inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Ce genre de version que vous écoutez le Before Party Fun tous les soirs sur Fun Radio, 19h, 20h, JB, Adrien Thomas, avec donc Martin Solveig versus Justin Timberlake, un bootleg exclu pour terminer l'émission ce soir. JB, je vous retrouve moi tout à l'heure à minuit. J'aurai un remix extraordinaire des Vicestone de The Weeknd avec Daft Punk. Je voulais absolument vous jouer ce soir. Donc rendez-vous entre minuit et 1h. Demain, le Before Party Fun accueillera Richard Orlinski et Eva Simons en mix à partir de 19h. Je vous rappelle que de mercredi jusqu'à samedi, on sera en direct d'Amsterdam, 16h, 20h. Et pour l'instant, 20h, 22h, c'est Love in Fun avec le Doc et Karel. Ah oui. Salut. Bonsoir, les Globetrotters. Hello. Les Globeclubbers. Les Globeclubbers. Putain, c'est énorme ça. En direct d'Amsterdam. Ouais. Mercredi, jeudi, vendredi et samedi pour les Fun Radio DJ Awards. On va remettre les trophées des Fun Radio DJ Awards. Et puis, on recevra plein de DJ. Bah ouais, de la star aux platines aussi. Ah bah là. Fais-nous rêver un peu. Putain. Il y aura déjà Adrien Thomas. Ah ouais, voilà. Non, mais je parle de rêver là. Non, mais attends, t'es bon, mais quand même. Kungs, ouais. Okay. Dimitri Vegas and Like Mike. Ah ouais. Quentin Moziman. Ok. Feder. Voilà, moi je dis pas plus. Ok. Guetta. Il y en a une quinzaine d'autres. Voilà. Guetta. Il y aura Tiesto aussi. Non, j'ai. Ouais, c'est la vie fun maintenant. Hein. Ouais, ok, Doc, c'est bon, on y va. Ouais, attends, bon. Ça y est, l'autre il s'impatiente, on y va. Allez, c'est allez, parti. Salut les mecs, ciao, ciao. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous! Eh bah oui, c'est la vie fun. Eh bah oui, c'est la vie fun. Ah, t'avais hâte, Doc, hein? Bah oui, quand même. Mais bien sûr, on a tous hâte. Il y en a plein qui attendent, là. Mais oui, mais je comprends. Mais bien sûr, c'est votre émission. C'est une émission de libre antenne qu'on fait tous les soirs. Je m'appelle Karel, Doc est avec nous. Alice, comment ça va tout le monde? Salut, ça va? Ah putain, ça, t'es trop belle encore aujourd'hui. Oh, Karel, arrête! Ouais, c'est vrai. Faut dire les choses. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais. T'as aucune chance, arrête de draguer. Je sais bien, mais. Mais continue quand même, ça me fait plaisir. Voilà, tu vois. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour venir faire de la radio avec nous. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais. Ce soir, on va faire gagner un iPhone 7. Le double fun va tomber dans l'émission. Un vrai de chez Apple. Ah. avec toutes les applications à l'intérieur. Avec mais moi j'en ai pas un de 7. Eh oui, mais non, et c'est franchement c'est le téléphone que tout le monde veut en ce moment, hein, l'iPhone 7, le fameux. C'est dès que vous entendrez Son of Legend enchaîné avec Sac Noël et ce sera dans l'émission avant 22h. Il faudra composer le 32-28. C'est différent hein, du 01-42-48-5000. Pour le double fun, ce sera le 32-28. En attendant, on va accueillir tout de suite notre auditeur du soir. Adam est avec nous, il a 18 salut ans. Salut Adam. Il est de Grenoble. Salut Adam, ça va, t'es un fidèle de l'émission? Comment? T'es un fidèle de l'émission, tu l'écoutes souvent? Ah bah tous les soirs, attends. Et bah voilà, et ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans cette émission, toi? Oh là là, si tu savais. Ah, mais oui, alors ça veut dire que t'aimes rien. Hein non, mais c'est... Ah, si tu savais. Si, si, non, ah, mais si attends, ça doit être. Dis-nous ce que tu aimes entendre certaines choses, n'est-ce pas? Ok. Ah, bah, moi, c'est le seul. Ouais, oui, c'est alors, ça. La personne qui te parle s'appelle. Avec toutes les conneries que vous racontez tous les soirs, on peut que vous écouter. Ah, ça fait plaisir. Et il dit pas que des conneries, le doc, arrête tes conneries. C'est moi qui sors des conneries, généralement. Adam. Ouais, mais il en raconte un petit peu, des fois. Ah oui, non, bah, c'est pas le dernier, ça c'est bien vrai. Adam, il y aura du chiffre d'Alice, il y aura du défi, fallait pas demander. Il y aura vous tous, surtout en direct. Et on va commencer par Benoît, qui est avec nous, 17 ans de Melun. Bonsoir, Benoît. Salut Benoît. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Benoît. Tu peux dire bonjour à l'auditeur du soir qui va faire de la radio avec nous pendant les deux heures là. Il s'appelle Adam. Eh ben, salut Adam, comment ça va? Salut mon pote, ça va? Bah ça va, très bien, je suis content de te parler, je suis content d'être sur Fun Radio quoi. T'appelles pourquoi? Ah bah t'as raison, c'est bien. Et t'appelles pourquoi Benoît? Alors en fait, moi tu vois, j'ai une meuf qui a un an de moins que moi, qui a 16 ans. Ouais. Et là, elle vient d'annoncer qu'en fait, elle allait devoir avoir des bacs, quoi, un appareil dentaire, tu vois. Ouais, bah oui. Ok. Et en fait, je flippe un peu parce que je sais pas si ça peut avoir des conséquences, genre si ça peut me blesser pendant que je l'embrasse ou alors pendant la fellation. Quoi. Ah. Est-ce que tu es circoncis? N'importe quoi. Est-ce que tu es circoncis? Non, pas du tout. Ah bah tu vas l'être là. Ah bah, non mais attends, non. Attends, mais une fille. Mais non, rien du tout. Une fille quand elle fait une fellation, elle fait pas une fellation avec le dessus mais non, de ses dents. Voilà. Bah oui. Hein, c'est... L'appareil dentaire est très discret maintenant, les bagues, voilà. Non, tu risques rien. Elle est pas là pour te rappeler le sexe pour faire du fromage. Hein. Ah ouais. Hein, Benoît. Ouais, bah non mais je me pose la question quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu des trucs électromagnétiques et tout, t'as vu? Elle peut même te l'avaler. Hein. Ah, y a une centrale nucléaire à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Non, Benoît, généralement, il n'y a pas de risque. T'as eu un appareil dentaire, l'histoire? Ouais, j'en ai eu un. Et tu as fait des fellations à cette époque? Eh ben non, parce que j'ai eu l'appareil dentaire très tôt, donc j'ai eu de la chance d'arriver en sixième. Voilà. Ah oui. En sixième, je suis arrivée, j'avais plus d'appareil. Mais je pense que la nana qui te fait mal quand elle te suce avec un appareil dentaire, je pense qu'elle te fait mal même sans appareil dentaire, hein, concrètement. Bah c'est oui. Qu'elle met les dents, quoi, de base. Ah bah, c'est tout un art de faire en une fellation. En même temps, il y a des dents dans la bouche. Hein. Oui, ça c'est vrai, mais tu veux en venir où, Doc hein? Bah, que si la verge est très grosse, les dents finissent par toucher. Tu penses qu'il a déjà eu un accident? Ah oui. Non. Bah c'est possible. Mais là, tu devrais l'entraîner sur une banane. Et si tu vois qu'il y a des marques d'appareil dentaire, tu lui dis c'est mort. Pas bête. On pas le bête. Fait. Ah. Non, mais tu fais ça discret. Tiens, chérie, je t'ai acheté des bananes. Bah non, elle va croquer dedans. C'est oui. Il va avoir mal. Ou alors, tu fais comme si c'était ma verge et voyons le résultat. Hein, évite. Franchement, c'est pas une bonne idée. T'inquiète pas. Te prends pas la tête, Benoît. Il n'y a aucun souci, d'accord? Ok, super. Bah, merci beaucoup, tout le monde. Je suis rassuré maintenant. Ah bah, tu m'étonnes. Hein. Heureusement qu'on est là tous les soirs. Hein. Salut, Benoît. Ah ouais, c'est sûr. Merci, Karen. Merci toute l'équipe. Ciao, mon poteau. Mission accomplie. Encore ce soir, ça fait plaisir. Alexis est avec nous. Il a 14 ans, il nous appelle de Chartres. Bonsoir, Alexis. Salut, Alexis. Salut, mon poteau. Alors toi, c'est génial ce que tu vas nous demander, parce qu'on va t'aider, mon pote. Je te le dis direct. J'espère. Hein. Ah bah, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe, là? Bah en fait il y a ma babysitter, elle vient chez moi ce soir et tout pour garder ma sœur et moi, et du coup je voudrais savoir comment je peux la draguer. Comment je peux pécho ma babysitter? Dans un instant sur Fun Radio, Alexis il est trop chaud en fait. La babysitter qui lui dit va regarder la télé, il a envie de la mater tout court. Hein. Restez bien avec nous, 01 42 48 5000 pour réagir, on va revenir avec Soprano en feu, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Fun. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent.

20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs du dimanche au jeudi. Soyez tous les bienvenus si vous venez d'arriver. Je salue, tous les soirs, les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui rejoignent Fun Radio, la famille Fun Radio et Love in Fun peut-être pour la première fois là ce soir. Ici, sachez que vous pouvez tout dire. 01 42 48 5000. Des vieux routiers. Ah, oui. Je veux dire des fidèles auditeurs. Oui. Ah, bien sûr, des vieux de la vieille. Eh ben merci d'être avec nous et d'être fidèle à Fun Radio tous les soirs. On les salue aussi. Tu as raison de parler de ceux qui sont là depuis le premier jour, Doc. Il y en a. 01 42 48 5000. On lit également vos messages. On est tellement 2.0. Ouais. On est partout. Twitter, Facebook, Snapchat, avec tous les jours une nouvelle story à mater. Et chaque jour, vous découvrez un petit peu plus en détail l'équipe, hein, et notamment la team fragile, hein, comme on les appelle, Godefroy et Guillaume, qui pratiquent la musculation et donc qui prennent des protéines et qui pètent toute la journée. Voilà, on les embrasse et on les met en valeur dans cette émission. Ils pratiquent la gonflette, c'est ça? Non, attends, sans déconner. C'est quoi de la flatulence. Gonflette hein. Non, mais quand tu fais marcher, il marche, il court. Quand tu fais de la muscu, tu sais, tu prends des protéines, Doc. Le truc, je sais, mais ça, quand tu pètes, c'est horrible. Ah oui. Putain, bah oui, attends, production de gaz. Les deux, ils en font, Doc. C'est invivable. Ah, ils sont beaux, mais qu'est-ce qui pue? Ah, mais c'est vrai, quoi. On va lire les messages sur les réseaux sociaux. Ça devrait être comme dans l'océan, le dégazage devrait être interdit. Putain, ils vont finir dans l'océan, t'as raison, Doc. T'as raison de le dire. On va lire vos messages, c'est parti, sur les réseaux sociaux avec Alice. On a reçu un message d'Axel, ça fait tellement plaisir de vous écouter. En plus, j'apprends plein de choses grâce à vous tous les soirs. Merci pour tout. Et un autre message de Mathilde. J'ai l'impression que mon mec me trompe avec ma sœur, mais je sais pas trop comment le prouver. Est-ce que vous pensez qu'on peut tenter un sexy chocolat? Bien sûr. Dès que vous avez ça risque de faire mal. Hein. On le fait. Non, mais franchement, il n'y a pas de souci. On peut même te rappeler. Laisse tes coordonnées et on va le faire là dans pas longtemps. Si tu veux, 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir Alexis. Il a 14 ans. Il est de Chartres. Bonsoir, Alexis. Salut. Bonsoir. Salut, Alexis. Salut. Bon, Alexis, tu nous appelles pourquoi, toi? Bah, en fait, là, il y a mes parents qui sont partis au resto il y a quoi? Il y a 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Pour leur 20 ans de mariage. D'accord. Putain, c'est un événement. Genre, à peu près dans 20 minutes, là, ils ont, en gros, il me laisse tout seul avec ma sœur, donc elle a 11 ans, ouais. Et genre, il me faut pas trop confiance et tout, parce que voilà, quoi. Parce que voilà, quoi. Tu mets elle le feu, est un peu jeune et tout. Quoi? Parce qu'ils font pas confiance pour garder ta sœur, en fait. Ouais, puis voilà, quoi, j'ai eu des petits trucs et tout. Enfin, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi, fait oui? Qu'est-ce que t'as fait comme lui, c'est Monsieur Connerie, lui. Vas-y. Qu'est-ce que t'as fait? Non, rien, parce que comme je fumais et tout, enfin bref, mes parents m'avaient cru. Ah, voilà, d'accord, ouais. Tu fumais du cannabis? Mais non. Ah, d'accord, ok. Des cigarettes? Ouais. Et alors un peu d'alcool aussi dans ouais, je faisais picoler ma sœur et tout, mais rien de grave. Hein? Non, mais Alexis, du coup, il y a une babysitter qui vient ce soir. C'est ça, elle a 16 ans et elle est dans mon village. Genre, elle est grave mienne. C'est une peufra, c'est un truc de ouf. Okay. Oh là là. Alors déjà, va pas falloir lui dire, putain meuf, t'es trop une peufra. Hein. Déjà, hein. Non, j'étais là, je vais faire. Tu veux savoir quoi? Tu veux un plan pour la draguer? Bah ouais, direct, une technique, enfin, genre si je sois gentil avec elle, que je l'aide à faire... Ah, c'est le début, oui. Oh, c'est mort. Alors, déjà, direct, pour Alice, c'est mort. Mais non, mais n'essaye même rien du tout. Mais attends, si, il faut qu'il essaye. Mais attends, il va... Non. Franchement, non, mais elle, faut pas qu'il essaye. Ça se trouve déjà direct, elle va venir avec son mec. Mais c'est non, ça. Mais, mais attends, elle vient te garder. Tu peux essayer de jouer de l'humour, tu lui dis... Tu sais, j'ai du mal à me dormir le soir, il faut me raconter, il faut me border dans mon ouais. lit. Non, je lui demande un câlin. Mais voilà, c'est ça, tu peux dormir. Crier de l'affection, tu ouais. peux tenter de négocier un peu ça et gratter un peu son affection, mais tu peux pas essayer ouais. de tenter un truc, au contraire, tu vas te ridiculiser. Ah non, parce qu'imagine Alice, je voudrais te draguer toi, tu réagirais comment? Et ben justement, je t'enverrais tellement chier que ça te ferait vraiment de la peine, que du coup... Mais non, mais que du coup, je pense ah ouais, que... T'es méchant, mais non, je t'es rigole, méchant, mais tu débarques en tant que babysitter, ce qui fait que même tu pourrais avoir 3 ans de plus dans sa tête. Elle te voit comme un enfant à garder, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais non, mais non, parce que je la connais avant, genre des fois je sors ouais. avec elle et tout dans le bled. Ah d'accord. Ah, ok. Bah, si donc, elle ah sort ouais. avec ah ouais. le bled. Bon, ouais, franchement... en gros c'est une pote. Ah c'est une pote, tu te fais garder par une pote, mais c'est, un... c'est pas ouais, possible. Ouais mais ça mes parents ne le savent pas. D'accord, bah écoute Alexis franchement... Joue le mielleux. Bah, tu sors ah ouais. déjà avec elle, c'est ça que tu veux nous dire? Non, non, non. Je sais pas, tu peux prendre ta douche et lui demander une serviette par exemple parce que tu l'as oublié. Non, je vais faire genre, il n'y a plus de shampoing. Il n'y a plus de shampoing. Voilà. Ou il n'y a plus de papier toilette, ouais, c'est genre. Beaucoup moins glamour. Elle arrive non, parce qu'après, ça pue. Elle arrive dans 20 minutes. Ouais. C'est ça. Donc on va te laisser un petit peu avec elle. On va te reprendre dans une heure. On t'appellera, d'accord ? Sois adorable. Pour savoir. Donc dans un premier temps, hein, les conseils d'Alice, c'est être adorable. Mais c'est ça. Il faut qu'elle se dise oh il est trop mignon. J'ai envie de lui faire des câlins. Mais je sais. C'est pour ça qu'on va t'appeler. Oui. Il faut que tu sois adorable avec elle. Qu'elle se dise oh il est vraiment trop mignon. J'ai envie de lui faire des petits câlins. Sois attentionné avec elle. Et au bout d'un moment, voilà, ça se trouve, elle va être proche de toi. Même si c'est pas exactement ce que tu recherches, ce sera toujours ça. Sinon, tu peux toujours lui dire j'ai envie de te montrer mon doudou. Tu vois, et tu montes dans non, ta chambre. Non, mais non, et... là, c'est mort, je vais me prendre une bifle. Ah, mais tu vas te prendre une Une bifle. Alors, on c'est un mec qui vient garder ta bifle. Ah, parce qu'une bifle, c'est une claque avec le sexe. Hein, donc, si... À moins qu'elle soit vraiment longue. Ça risque d'être compliqué. On t'appelle. Alexis, sois adorable. Fais-lui des compliments. Ça, c'est important. Toujours les petits compliments et tout. T'es ravissante ce soir, tu vois. Hein, et je suis vraiment très heureux que tu sois là. Ce soir. Et commence à regarder un truc à la télé avec elle, tu vois. Mais dans une heure, elle sera encore là, si vous me rappelez dans une heure. Oui, bah justement, c'est fait pour prendre un petit peu la température et te faire progresser, d'accord. En fait, tous les jours, j'irai aux toilettes. Ah oui, mais non. Oui. Mais non, elle va croire que tu fais un numéro 2, ça va passer. Que tu fais caca et du coup, c'est pas très sexy. Ouais, je lui fais des compliments, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais oui, sois tendre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va tout rater, Alexis. Mais non, il en veut trop d'un coup. Alexis, on te rappelle dans une heure. À tout à l'heure. Ok. Bisous. Okay. Tout à l'heure. Tu veux faire une dédicace ? Non, parce qu'on t'aura tout à l'heure dans une heure. Allez, à tout à l'heure. Et on sera avec Hugo, 14 ans de Lorient, dans un instant. Alors, Hugo, c'est l'appel à l'aide, puisqu'avec lui, il y a un gros souci de perroquet. On vous en dit pas plus, mais c'est la panique pour Hugo. Restez bien avec nous. En attendant, on va se mettre à fond un tube que j'adore. Vous avez été les premiers d'ailleurs à découvrir sur Fun Radio. C'est d'ailleurs une artiste Fun Radio. On l'a toujours soutenue. Voici Jennifer Lopez and Your Mama. C'est Fun Radio. C'est la vie. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. I ain't your mama, no. Wake up, arise and shine. Get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Jennifer Lopez and Tio Mama. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. Quand il n'y a plus aucune solution à vos problèmes, Love in Fun est là. C'est l'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio. Et ce soir, on va tenter d'aider Hugo. Salut Hugo. Salut. Ça va bien? Salut. Ça va bien et vous? Bienvenue dans Love in Fun, Hugo. Merci. Il paraît que t'as besoin de nous. Ah ouais, j'ai vraiment besoin de vous parce que là, c'est urgent en fait. Je vais me faire niquer en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait j'ai le perroquet à ma mère qui s'appelle Chouchou, c'est son favori, et j'ai fait une putain de bêtise en fait, c'est que j'ai mal fermé sa cage et là il est dans le bois mais franchement je sais pas comment faire quoi. T'as c'est ouf ça. Tu l'as vu, tu le vois ou tu le vois pas? Ouais je le vois, je suis devant lui, j'espère de pas bouger parce que sinon il va se casser et ça va partir n'importe comment. Non mais direct faut que t'appelles les pompiers. Hein. Bah t'appelles les pompiers oui, mais c'est surtout tu peux pas l'attirer avec de la bouffe non? Bah, j'ai plein de cacahuètes avec moi, mais il veut pas. Putain, appelle-le. Chouchou, tu viens? Bouge ton cul. Chouchou. Bon, alors. Chouchou. Non, attends, parce qu'il fait nuit, là, en plus, donc t'imagines si... Bah ouais, je vois rien, mais je le vois juste, mais il veut pas venir. Il me regarde, mais il s'en fout, quoi. Bon, qu'est-ce que tu voulais qu'on... Parce que là, nous, concrètement, dans le studio, on peut pas vraiment t'aider, là. Enfin, à part dire chouchou... Je voulais juste appeler ma mère, parce qu'en fait, je voulais pas l'appeler tout seul, parce que franchement, je sais qu'elle va m'appeler, c'est que t'as pas le temps de briller. Chouchou est dans les bois. Chouchou est dans les bois. Chouchou fait le tapin dans les bois. Non mais ça, tu sais que c'est très intelligent un perroquet. Hein. Bah justement, t'as entendu, il va dire ta gueule, Doc, ta gueule. Il pourrait, ouais. On va appeler Paula, d'accord? Ok, merci. Tu imites vachement bien le perroquet, je trouve. Hein. De ouf. Ah, merci beaucoup. Ça c'est bien vrai ça. On y va, Hugo. Hugo qui est face à Chouchou dans les bois. Oui, allô? Allô, non, c'est moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je te dérange pas. Bah non. Pourquoi t'appelles? Bah, en fait, parce que je veux te dire un truc. Il s'est passé un truc avec Chouchou en fait. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah en fait j'ai mal fermé sa cage et là il est dans le bois et je l'ai en visuel et je sais pas comment faire en fait. Faut que tu viennes. Oh non putain. Eh, mais, non mais sans déconner, comment t'as fait Hugo? Bah j'ai voulu donner une cacahuète, j'ai voulu ouvrir la cage sauf qu'en fait il allait plus que moi, du coup il a eu le temps de se casser. Mais tu sais bien qu'il est bête, comment t'as fait ton compte putain, mais sans déconner. Eh là il est où là? Bah là il est dans le bois. Ah, je suis pas bête. Quoi? Il est dans le bois. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je suis pas bête. Non, il raconte des conneries, là. C'est Chouchou, là, il est vraiment bizarre. Mais non, mais... Et dis-lui qu'il est beau, qu'il descende. Dis-lui t'es beau, Chouchou, viens. Chouchou, t'es beau, descends. Ouais, non, il bouge pas, hein, il s'en fout. Ta gueule. Ah, putain, il dit encore des gros mots, ce qu'on a. Non, mais sans déconner, essaye de faire quelque chose. Appelle-le. Ouais, mais j'ai déjà tout fait, mais il veut pas et il s'en fout. Attends, tu rigoles ou quoi? Mais tu veux pas venir là? Je l'aime pas la vieille peau. Je l'aime pas la vieille peau. Ah, oh, salaud. Tu veux pas venir, tu c'est Chouchou qui s'est barré. On dirait Hugo. Bah ouais, c'est Chouchou. Oh mince. Et les autres, t'as fermé la cage des autres pour pas qu'ils se barrent? Ouais, les autres, j'ai fermé la cage. Oh putain, en plus Chouchou, en plus, c'est mon préféré. Putain, mais t'as merdé. Bah ouais, je sais, mais c'est pas de ma faute. Je voulais faire une caresse et tout ça, mais il s'est évadé, quoi. C'est pas de ma faute. Eh, mais t'as bien fermé. Mais pourquoi t'as pas fermé? Voilà, je voulais, j'ai pas zappé. Voilà. Ah putain, non mais. Voilà. Hey, tu veux que je vienne? Voilà. Voilà. Hugo, tu veux que je vienne? Voilà. Bah oui, il faut que tu viennes, oui, c'est sûr. Voilà. Je peux pas y aller tout seul. Hein. Bah attends, je vais y aller là. Elle est conne, Paula. Elle est conne. Eh, hey, tu lui as pris des trucs ou quoi? Ouais, bah non, non, je lui ai rien appris, moi. Paula. Il dit des nouveaux gros mots, ce con là. Attends, j'arrive. Bah oui. Non mais. Alors, à aucun moment j'ai cru que ça allait marcher, mais si. En fait, tout marche avec Paula. Bonsoir Paula, vous êtes en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on va essayer de trouver une solution. Parce que la mauvaise, c'est que Chouchou, il s'est vraiment barré dans les bois. Mais et il le voit. Alors, il le voit. Il s'est mis sur une petite branche, c'est ça, Hugo, hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, mais il veut plus venir dans la cage. Il risque de se casser dans le bois tout entier, quoi. Alors, Paula. Là, il est vraiment devant, quoi. Paula. Ah non, mais de toute façon, je vais prendre ma voiture, là, je vais rentrer. Ok, bah voilà. Je crois que c'est la meilleure solution. Non, on te rappelle tout à l'heure. Bah ouais. Oh, ouais. Parce que, en fait, Hugo avait peur de vous en parler parce que voilà, il se sentait. Ah, parce que je l'aurais fumé, je vais le fumer, de toute façon. Non, fume personne. Ah ouais, là, elle est tombée. Attends, il sait que j'y tiens, moi, mes oiseaux. Hein. Bah justement, qu'est-ce qu'il dit comme gros mots, en fait? Oui, parce qu'à priori, il dit des gros mots, des fois. Non, mais il les dit, hein, il en dit. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Ben, bah, il dit connasse, il dit ta gueule. Ah oui, mais ça, il la répète. La grosse. La grosse. Voilà. Il dit maman, maman d'amour. Maman d'amour. Voilà, voilà. Mon amour. Okay. Bébé à Hugo, à maman. Voilà. Et il passe du. Parce qu'en fait, du tu en as un qui s'appelle Hugo aussi. Ouais. Je croyais que c'était l'autre qui s'était barré, mais en fait, non, c'est Chouchou, quoi. Voilà. Et en plus, c'est plus beau, Hugo, toi, que Chouchou. Alors, on rappellera Hugo tout à l'heure avec Paula. Et ouais. Tu restes à côté de Chouchou, hein, d'accord, Hugo? Ouais, non, mais, non, mais là, je vais prendre la voiture. Tout okay. Le temps, là, je suis en voiture, je suis rentrée. Là, je vais prendre la voiture et puis je vais démarrer, je vais filer. D'accord. Je suis pas très loin, donc c'est bon. On vous rappelle tout à l'heure en direct du bois de Lorient. Voilà. Ok, bah, je prends la route, merci. En direct du bois de Boulogne. Merci à tous, on vous adore. Mais là, il faut que je puisse le récupérer, du coup, je suis désolée. On te rappelle mais, tout à l'heure. On vous adore. Pas allez, bisous. Bah, merci. Bisous. On t'aime aussi. On t'aime aussi. Bisous, bisous. Salut, salut. À tout à l'heure. 01 42 48 5000. C'est Alexandre qui nous rejoint sur Fun Radio. Il a 20 ans et il nous appelle de Bourges. Bonsoir Alexandre. Salut, salut. Salut, salut à toi. Tu nous appelles pourquoi Alexandre? Alors j'aimerais vous parler de l'épilation chez les hommes. Vaste et nouveau sujet. On se fait faire le sillon interfessier de temps en temps. Ah oui. Ça, quand ça provoque. Coupe au carré. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais on va en parler. L'épilation chez les hommes. Restez bien avec nous. Et on va écouter Cachemire là maintenant sur Fun Radio. Invisible Children sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Merci d'être là tout le monde. Sur Fun Radio. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et on vous réserve là très bientôt, et je voulais absolument vous en parler, une soirée extraordinaire. Dans tous les sens du terme, ça va se passer le 31 octobre. Lundi 31 octobre. Ça vous dit quelque chose, forcément, c'est la soirée d'Halloween. Et je peux déjà vous dire que vous allez adorer avoir peur. On vous réserve une soirée spéciale en public avec tous les auditeurs qui voudront venir. Si vous voulez assister à cette émission avec, entre autres, des chasseurs de fantômes, de l'hypnotiseur qui fait des trucs de dingue. Non, et franchement, ça va être juste oufissime. En train de vous préparer plein de surprises. Si vous voulez assister à cette émission, ça se passera le lundi 31 octobre. Il suffit d'envoyer un mail loveinfun@funradio.fr. On compte sur vous. On aura l'occasion de vous en reparler, bien sûr. Je vous rappelle également que ce soir, ça va tomber le double fun ce soir avec l'iPhone 7 à gagner. Je vous expliquerai tout, hein, si vous savez pas encore comment gagner. Et on va tout de suite accueillir Alexandre. Il a 20 ans, il nous appelle de Bourges. On va parler d'un sujet passionnant. Oui. Non mais oui, c'est passionnant. Bonsoir Alexandre. Salut Alexandre. Salut Doc, salut Karel, salut toute l'équipe. Salut à toi, parce que c'est de plus en plus à la mode chez les mecs. Tu veux nous parler de quoi? Ouais, alors du coup, en fait, je vais vous expliquer à la base, parce qu'en fait, il y a quelques temps, j'ai perdu énormément de poids suite à une rupture. Et du coup, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, mes poils me dérangeaient. Et du coup, je me suis fait épiler. Et d'accord. Donc du coup, maintenant, il y a des boutons qui apparaissent. Bien et oui. J'aime pas trop ça. Bien sûr, c'est parce que t'as une inflammation. C'est quand même une agression, l'épilation. Faut quand même pas rêver. C'est pas une chose douce. Et quand tu arraches le poil, mais tu vas rendre le follicule plus perméable. Et là, tu peux être source d'infection. C'est une évidence. Donc, il faut appliquer des traitements locaux, désinfecter, voire des pommades antiseptiques, voire même, si ça fait des furoncles, un traitement antibiotique par voie générale. Ça, c'est une réalité. C'est ainsi l'épilation et personne ne peut aller contre ça. Mais alors, si je peux me permettre, Alexandre, pourquoi tu t'épiles? Ça te fait mal? Parce qu'en fait, j'aime pas les poils et c'est pour avoir, je trouve, pour moi, un plus beau corps. Parce qu'en fait, du coup, vu que j'avais pas confiance en moi avant, comme je te disais, vu avec ma perte de poids, j'ai fait 120 kilos, en fait. Okay. Et suite à ma rupture, du coup, à cause d'une fille, logique... Ou grâce, qui m'a... peut-être, aussi. Ouais, grâce aussi, ouais. Parce qu'elle m'a changé, du coup. Ah ouais. J'ai perdu, on va dire, 30 kilos en 3 mois, et sur 2 ans, j'ai perdu 40 kilos. 30 kilos en 3 mois, c'est énorme, Doc. Ouais. C'est même trop, non? Non, ça dépend, mais c'est pas comment tu as fait le régime. Si tu as été carencé, si le régime a été fait de façon intelligente, le danger, effectivement, est d'être en carence. Bon. Oui, est-ce que tu vas bien, là? Est-ce que tu vas bien? Franchement, maintenant, en 2 ans, maintenant, je vais beaucoup mieux. Je vais à la salle, je prends des compléments suite à la muscu. Tu pètes aussi, t'as un pétard. Non, justement, par rapport à ce sujet, non, pas du tout. Non. Et du coup, maintenant. Comment tu fais pour pas péter? Attends, tu veux dire que tu me pètes jamais, toi? Si, mais moi, mes pets ne puent pas. Ah, d'accord. Parce que nous, les pets de la team fragile ici, Guillaume et Godefroy, ils prennent des protes et tout, musculation, donc, ça pue. Si on résume, tu as maigri, énormément maigri, avec beaucoup de volonté, un régime sérieux, tu as maintenu cette perte de poids. Voilà. Et maintenant, tu es devenu accro au sport. La salle, j'ai compris. D'autres sports encore? Natation. Natation, très bien. Donc tout ça, c'est très positif. Et pourquoi tu t'épiles? Voilà, ça, c'est la question maintenant. Parce qu'en fait, mes poils sont longs et noirs et j'aime pas ça, en fait. D'accord, donc c'est une question esthétique, bien sûr, comme les filles, d'ailleurs. Pour moi, c'est pour ouais, c'est ça, c'est de l'esthétique. J'ai commencé les sourcils, et après, du coup, j'ai fait le torse et le dos, mais le souci, c'est que sur le torse et le dos, en fait, ça me fait des boutons. Tu es quand même très poilu. Mais je pense qu'il y a des solutions de voir un dermatologue et proposer une épilation définitive par le laser, par exemple, par petits morceaux, et ça, c'est une possibilité, évidemment, là... Tu n'auras pas ces mêmes inconvénients, en tout cas pas aussi, de façon aussi aiguë, mais je vois pas comment tu peux faire autrement. Godefroy, Guillaume, vous pratiquez l'épilation également, les gars. Non, c'est vrai. Tout à fait. Godefroy, ça se passe comment? Tu fais ça comment? C'était la semaine dernière, je suis allé en institut, mais c'était pour accompagner Guillaume, justement. D'accord, ok. Ils y vont à deux en plus. C'est le petit couple. J'avais besoin de me faire l'arrêt et j'avais besoin d'un copain pour me tenir la main. Voilà. C'est donc Guillaume qui l'a fait l'arrêt. C'est ça. Exactement. Non, mais vous avez été chez une esthéticienne qui vous a épilé l'arrêt des fesses? Ouais. Non, mais sans déconner. C'est sûr qu'il s'arrive à l'esthéticienne pour autre chose. Non, mais tu montes ton cul comme ça et la meuf. Bah, si c'est une fille, ça va. Ça existe, ça? Bah oui. Bien sûr que ça existe. Ah ouais? Je peux y aller, moi aussi? Bah oui, tu viens avec nous la prochaine fois. Bon, attends, on est avec Alexandre, elle a toujours pas résolu son problème d'épilation. Alors, bah écoute, oui, t'as entendu ce que je t'ai dit? Bah vas-y, résume-le, ouais, Doc. Il faut arrêter l'épilation sauvage, agressive, qui entraîne des inflammations des follicules pileux. Et aller chez une professionnelle, comme Guillaume et Godefroy, bien sûr. Okay. Bah oui, non, mais c'est ça, Alexandre, faut pas faire ça à la va-vite, c'est tout en art. Je descends pas en dessous de la taille, donc j'irai pas. Je vais te dire un truc, tu vas faire comme beaucoup de filles. Il veut pas y aller. Non, mais tu vas faire un truc comme beaucoup de filles cet hiver. Tu vas te laisser pousser les poils. J'ai remarqué, hein, les filles. Arrêtez de nous faire croire. Ah ouais, parce que c'est économique. T'as remarqué ça. Attends, au moment où la couche d'ozone augmente, c'est une économie d'énergie. Ah, tu te chauffes toi-même. Non, mais c'est quand même. Enfin, le chauffage écolo personnel. Chez un mec, les poils. Enfin voilà, c'est une évidence limite. Mais chez une fille, c'est vrai que quand tu vois une fille avec les jambes poilues, ça peut être un choc. Ah oui. C'est sûr, mais après, il y a des filles qui aiment bien garçons qui prennent soin de leur corps, on va dire. Et il y en a qui n'aiment pas les poils. Absolument. Attends. Avoir des poils ne veut pas dire qu'on ne prend pas bien soin de son corps. Il ne faut pas exagérer non plus. Dis le grizzly. Ouais, hein, le célèbre grizzly de qui? Je ne suis pas du tout poilu, donc tout va très bien, mais voilà. D'accord. Bon. Alexandre, continue de prendre soin de toi. En tout cas, j'ai l'impression que depuis que tu as perdu du poids, voilà, tu as envie de prendre soin de toi. Je vois les choses très positives. Ah ouais. Finalement, ouais. Ces poils, absolument, c'est pas très grave. Ok. D'accord. Allez, Alexandre, tu reviens quand tu veux. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Salut mon poteau. J'ai demandé à notre éditeur du store quand même s'il s'épile. C'est une tendance, hein, là, chez les mecs, là, la crème et tout. Crème de jour, crème de nuit. Bon, crème, Adam, une crème de quoi, ouais, tu dis, Doc? Ouais. La crème dépilatoire. Mais bien sûr. Adam, toi, tu prends soin de toi un petit peu? Ouais, un petit peu quand même. Ah bah tu devrais plus, hein. Alors, franchement, tu fais peine à voir en ce moment, Adam. On a vu une photo de toi, ça va pas. Hein. Faut que tu prennes soin de toi. Ah ouais? Non mais être poilu, attends, arrêtez un peu là, il est terrible lui. Et pourquoi, Doc? Attends, c'est parce que les mecs poilus, ça veut pas dire qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Enfin. Non mais j'étais juste en train de le chambrer, Adam, je voulais voir sa répartie. Ah oui. Voilà, je le teste ce soir, c'est notre auditeur du soir. Adam. Bah ouais. Adam. Il s'en fout, hein. Ah oui. Ouais. Enfin, ce que tu veux, tu regardes moi, la télé, tu fais quoi? Je vais te dire un truc. Ouais, vas-y. Moi j'ai des poils, je suis gros. Mais j'en ai rien à foutre, j'ai une copine, elle m'aime comme ça. Eh oui, ça c'est pas mal aussi. Et être, bien dans sa peau, c'est aussi même une façon avec de faire, un petit peu de surpoids. Bah, tu sais quoi, on m'a dit, vaut mieux faire envie de pitié. C'est l'humour du soir. Mieux faire envie que pitié. Ah, et ben ça c'est beau, et c'est magnifique ce que tu viens de dire, Adam. On va tous verser une petite Larme. Il veut dire qu'il est bien gros en fait. Et il est bien dans sa peau, c'est ça. Voilà, c'est ça le plus important. Ouais. On a reçu un message. Le message d'Alice ce soir, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un message de Margot. Elle a 17 ans, bientôt 18, et elle sort avec un mec de 34 ans. Et elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Elle se demande ce que les gens pensent de la différence d'âge dans un couple et s'il y a d'autres personnes dans sa situation. Bien sûr, et j'en suis persuadé qu'il va y avoir plein de témoignages, plein de réactions. 17 ans, son mec a 34 ans. 17 ans de plus. Ouais, c'est quand même beaucoup, hein, c'est vrai. Hein. En fait, il a deux fois 17 ans. Elle a 17 ans, il a deux fois. C'est clair. Ça commence à faire, hein, 17 ans de plus, c'est chaud. Dites tout ce que vous en pensez. Il y en a qui ont plus, en fait. Hein. N'hésitez pas. Hein. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, décrochez votre téléphone, appelez-nous au standard 01 42 48 5000. On reviendra avec toutes les réactions. On écoutera Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water aussi. Et ce soir, on va vous offrir un iPhone 7. Le double fun va tomber. Je vous explique tout dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs. C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Rémi, 26 ans. J'ai l'intention de donner un rein à un proche. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire du sport comme avant? Professeur Bastien, directeur des prélèvements et de la greffe à l'Agence de la biomédecine. Oui, absolument. Il s'agit d'une opération chirurgicale parfaitement maîtrisée et surtout on vit bien avec un seul rein. Pour prévenir tout risque pour le donneur comme pour le malade, un suivi très complet est effectué avant et après le don. Pour toutes vos questions sur le don du rein, rendez-vous sur le site de l'Agence de la biomédecine, dondorgane.fr. Elle est fine et élégante. 90% duvet, 10% plume et 100% tendance. Elle est idéale pour toute la famille et leur en fait voir de toutes les couleurs. Elle, c'est la doudoune CEA. Poids plume et prix léger. Elle est à 29 euros seulement dans tous les magasins CEA et sur CEA.com. CEA. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. Salut, c'est Bruno. Fun Radio, le son dance floor présente la compile Bruno dans la radio. La sélection de la famille avec Richard Orlinski et Eva Simons. En exclut le nouveau Martin Garrix, Maître Gims, Ken Jones, le nouveau de Chainsmokers. 60 tubes sur 3 CD, ils sont tous dans la compile de la famille avec Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Rock the party, you're in my mind, everything's alright. Déboussolé du haut manque de sommeil, veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. S'adapter, tu ne veux pas survivre en apnée. 20h, 22h, 0 à 42h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. C'est la Vin Fun, c'est tous les soirs sur Fun Radio. On nous demande déjà des nouvelles du perroquet hein, qui a été perdu dans le bois. Et on nous demande des nouvelles d'Alexis avec sa babysitter. Je rappelle qu'Alexis, ce soir, bah voilà, il se fait garder hein, par une babysitter qui a deux ans plus que lui. Sa petite sœur. Ah mais c'est les deux. Il y a, hein. Il y a 14, la petite sœur a 17, la petite sœur 11. C'est ça. Il est entre les deux. Oui, non mais voilà, non mais il se fait quand même garder. Il est seul avec la babysitter. Enfin, il veut se la taper quoi. Hein, exactement. On fait dans la simplicité, on vous explique tout. Non mais on prendra des nouvelles tout à l'heure parce que là, ouais. Elle est arrivée. Voilà, depuis quelques minutes, on vous dira comment ça se passe et on vous donnera aussi des nouvelles. On va lui parler à la babysitter. De Chouchou. oui, bah oui, carrément. On vous donnera aussi des nouvelles de Chouchou le perroquet. Hein. Restez bien avec nous. En attendant, on va répondre à ce message parce que c'est vrai que parfois vous avez peur de passer à l'antenne, donc on préfère quand vous êtes sur l'antenne hein. En plus on peut peut changer votre voix et tout pour que vous soyez parfaitement anonyme. Mais en tout cas, Margot a choisi la voix des messages pour se faire entendre. Elle a 17 ans. Qu'est-ce qu'elle nous a envoyé sur le Facebook? Alors en fait, elle a 17 ans, mais bientôt 18 ans, donc bientôt majeure. Et depuis quelques temps, elle sort avec un mec de 34 ans. Donc elle vit plutôt bien sa relation, mais au niveau de son entourage, c'est pas la même chose. Donc elle se demande, voilà, qu'est-ce qu'on pense vraiment de la différence d'âge dans un couple et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans sa situation? Il y en a plein et il y a plein de réactions. C'est pas toujours évident, c'est vrai, quand il y a beaucoup de différences d'âge. Ça dépend quelle est l'intention du mec, s'il est amoureux ou pas. C'est une histoire d'amour est tout à fait possible. C'est 18 l'année prochaine, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Je crois que là est le problème. Pourquoi elle sort avec lui? Est-elle vraiment amoureuse? Et lui, est-ce qu'il partage vraiment parce cet amour? Tout est possible. La différence d'âge, ça fonctionne. Enfin, toi, Doc, à 93 ans, et Katoch, qui a quand même 17 ans et demi. Enfin, je veux dire, ça fonctionne, quoi. Je sais que ça a existé, ça. Tu sais que ça a existé. Non, des vieux. Ah, si, bien sûr. Ah, mais si, mais genre des vieux riches et tout, quoi. Tu vois, bah, évidemment, il faut qu'il y ait du pognon. Ou du pouvoir. Quand tout est flasque, il faut du pognon. Adeline, 26 ans de Montauban. Bonsoir, Adeline. Bonsoir. Salut, ma chérie. Il a quel âge, ton mec? 44. Ah, ça fait une belle différence d'âge. Et toi, t'as quel âge? Laisse-moi le temps de calculer. 26. Ça fait 18 ans d'écart. 18 ans d'écart. Ah ouais. Tu le connais depuis quand? Ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble. 6 ans et demi. Et alors, comment ça s'est passé quand tu annonces à ton père et à ta mère, bah voilà, mon mec, il a 18 ans de plus que moi. Il a votre âge. Ouais. Très mal. Très, très mal. Ah ouais, vas-y, vas-y, dis-nous tout. Mais déjà, j'ai eu beaucoup de mal à en parler. Ouais. Et quand ça s'est su, ça a été la catastrophe. Attends, t'as attendu d'être vraiment sûr de la relation? Oui, ça faisait un an et demi que j'étais avec lui. D'accord, ouais. Tu vivais avec lui? Non, du tout, je ne vivais pas avec lui. Alors tu as annoncé pour quoi? Je vivais chez ma mère. Ouais, pour l'épouser, pour... Non, j'ai annoncé parce que c'est quelqu'un qui travaillait avec mon père qui a balancé la chose. Voilà. Qui nous a vus ensemble et qui a été raconté. D'accord, ah, il vous a balancé, quoi. Il a 44 ans et ton père a quel âge? Mon père a 51. Ah oui, c'est le même âge. Oui, bah, c'est la même génération. Non, mais voilà. Ouais, c'est non, ça. Mais après, et comment ça se fait, Adeline, toi, que t'es tombée sous son charme? Comment s'est passée la rencontre? À quel moment? Au travail. Au boulot? Oui. C'était ton patron? Non, du tout. Je suis dans le médical et on passe beaucoup de temps avec nos collègues. Ah, sûrement un médecin, j'imagine. Du tout. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire? Je sais pas, il m'a plu. Et puis bon, après, avec le fil du temps, il m'a plu au lit. Ah, c'était un bon coup en plus. Hein. Ouais. Il y avait l'expérience derrière. Ah bah oui, et voilà. Forcément. Et tes parents, ils ont fini par accepter ou pas? Ma mère, non. Ouais. Et mon père a accepté il y a 20 mois quand vous entendez mon fils derrière, quand mon fils est arrivé. D'accord, ah bah oui, bah ça c'est la plus belle preuve d'amour. Voilà. Ta mère accepte pas, pourquoi? C'est bien ça. Regarde pas. C'est comme ça. T'es majeur? Elle veut pas, ouais, mais elle veut pas. Ah bon? D'accord. Ça passe pas. Eh bien, elle est avec nous au téléphone ce soir. Elle a décidé de prendre la parole. Non, mais Adeline, on te souhaite en tout cas que, voilà, avec l'arrivée du bébé, enfin, voilà, et là, il est plus, enfin, elle va vouloir le voir, ça va vous rapprocher, c'est sûr. Ah, mais l'enfant, elle le voit, il a 20 mois. Elle le voit, mais elle veut pas voir ton mec. Non. Putain, c'est relou, ça. Franchement, il y a un peu de travail là-dessus. Les fêtes de Noël, c'est un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Ouais. Les anniversaires du petit, c'est fêté deux fois. Attends, ça veut dire que si tu vas fêter Noël chez ta mère, il vient pas? Et oui, je fais Noël le midi avec les uns et le soir avec la famille ou vice-versa. Bah, franchement, t'as bien du courage, Adeline. Tu veux pas qu'on appelle ta mère, là, pour lui dire? Non, du tout, non. Non, je pense qu'elle veut pas gâcher sa soirée. Elle a peut-être raison. Adeline, reste avec nous, t'es pas la seule. Comme quoi, hein, ça peut fonctionner, mais sans... Enfin, voilà, parfois, il y a quand même quelques petits problèmes, hein, notamment avec la famille. Jenny est avec nous, 21 ans de Mont-de-Marsan. Bonsoir, Jenny. Salut, Jenny. Salut. Merci Jenny pour ton témoignage. C'est édifiant ce que tu viens de nous dire. Kérélis est là. Bonsoir Kérélis. Salut. Bonsoir. Bonsoir Kérélis. Salut. T'as 22 ans, t'es à Thionville. Oui, c'est ça. Bienvenue à toi. Et ton mec, il a quel âge? 40 ans. 40 ans. Putain la vache. Ouais, on y est là. 18 ans d'écart aussi là. Alors comment ça s'est passé pour toi? Bah en fait, par rapport à mes parents, ça s'est super bien passé. Ma mère, elle l'adore, donc j'ai aucun problème niveau famille. Là-dessus, ça génial. S'est très bien passé, que ce soit de mon côté ou du sien. D'accord. En plus, maintenant, on a un petit bout de 10 mois, qui va avoir 10 mois à la fin du mois. Et voilà, ça se passe super bien. Franchement, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. D'accord. Et de ce côté-là un problème où alors? Ouais. Il y a eu des problèmes ailleurs? Pas du tout. Pas du tout, donc toi c'est passé comme une lettre... Ouais, franchement... D'accord. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il est plus âgé, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est la maturité, le. Une belle carte gold aussi, peut-être. Non, je déconne. C'est pas l'histoire d'argent. Dès qu'on s'est vu, voilà, il y a eu quelque chose. On se l'est pas dit tout de suite, mais à force de se connaître, il y a eu quelque chose et c'est... on n'a pas pu se décrocher en fait. Une vraie histoire d'amour. Et tu es très heureuse. Voilà, c'est ça. On s'est mis très vite ensemble. Au bout de 6 mois, on s'est mis en ménage. Au bout de 11, j'étais enceinte. Donc voilà, ça a été vraiment très très vite. Là, on va sur nos 3 ans. On se marie l'année prochaine. Félicitations, hein, Jenny. Kerelis, continue de t'éclater avec ton mec. Hein. Sois heureuse. Hein. Merci. Je t'en prie. Salut. Que pour Margot, je crois, c'est ça. C'est vrai. Absolument. Que, ouais, c'est ça, Margot. Ouais. Honnêtement, elle a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Si elle est bien avec son mec, qu'elle profite. C'est ça le principal. Bah, oui, je crois. Tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi et exactement. Pour ton bonheur, quoi. Heal the world. Ah non, c'est vrai. C'est très bien. Jenny est là. Jenny, on t'a retrouvé, Jenny? Oui, bonsoir. T'étais partie, ça? Tranquille? Non, j'étais là. D'accord. Parce que sur mon téléphone, ça marchait pas. Ok, y a pas de souci. Jenny, tu sors avec un homme de 77 ans. Ah. Non. Il a quel âge? 37. 37? Ça va, c'est un jeune encore. Et toi, t'as quel âge? 21. Oui, bon, ça va. Ça, c'est bon. 16 ans d'écart. Ouais. C'est bon. C'est parce que vous êtes habitué maintenant. Non, mais ça va. Tout à l'heure, on a eu 70 ans d'écart. C'est bon, quoi, maintenant. Non, mais je trouve. Enfin, je sais pas. Je pense qu'à l'époque. Enfin, je veux dire, à ton époque, Doc, au Moyen-Âge. Hein, je veux dire, quand il y avait encore Versailles et Torix qui se pavanaient dans les rues. Non, il n'y avait pas ça pour une raison très simple. C'est que la moyenne d'âge, elle était à 40 ans, tu vois. Ah oui. Ah oui, c'était complètement différent. Ça mourait vite. Non, mais même il y a quelques années. Il fallait épouser très vite pour. Il y a quelques années, Doc, quand il y avait des grosses différences d'âge comme ça, c'était pas du tout accepté, non? Si, bien sûr. Ah ouais? Ça aurait existé. Pire qu'avant, même. Peut-être plus qu'auparavant que maintenant. Et c'était vraiment accepté et tout Oh bah oui. Mais c'était pas à l'époque où on filait du pognon, genre la dot et tout. Non, mais quoi. Attends. Le 20e siècle a vu l'apparition du mariage d'amour. Ouais. Bon. Maintenant, c'est le mariage d'amour. Avant, c'était un mariage d'intérêt. On protégeait. On te filait une terre et milieux, tout. Dans les milieux ouvriers où il n'y avait pas trop d'intérêt, mais dans les milieux partout, comme la société française était en majorité agricole, il fallait défendre les terres. Et c'est quand des mariages arrangés, quoi. C'est arrangé parce qu'il s'agissait d'augmenter le cheptel. Ah, c'est comme dans Games of Thrones. Donc, 30 ans de différence, c'était pas un problème si tu augmentais le territoire. Alors, Jenny, tu nous as rien dit finalement. Nous, on t'écoute, ma chérie. Alors, 18 ans d'écart, qu'est-ce qui se passe? Non, 16 ans d'écart. 16 ans d'écart, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout va bien. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, dans votre relation, comment ça s'est passé? La famille, comment est-ce qu'elle a vécu ça, tu vois? Alors moi, mes parents l'ont bien pris, parce qu'en fait, c'est un ami de mon père, à la base. D'accord. Alors, au début, mon père a très bien pris. Il a quel âge, ton père? Mon père, il a 55. Ah oui, comme très... Oui. Beaucoup plus âgé que ton mec. Oui, ça, c'est vrai. Mon père, il est plus âgé. Heureusement. Et non, tout s'est bien passé parce que moi, à la base, je ne vivais pas avec mes parents. Donc, quand ils l'ont appris, ça a été. D'accord. Très bien. Donc, tout va bien. Des histoires roses. Très bien. Et bah, ça tombe bien. Franchement, Adam, toi, tu as 18 ans, tu es à Grenoble. Elle a quel âge, ta copine? Moi, ma copine, elle en a 18 aussi. Ah bah voilà. Et bah, aucune différence d'âge. Mais tu veux que je te dise un truc? Ouais, dis-le. Oui. Ouais, vas-y. J'aime bien quand il y a une grande différence. Tu sais pourquoi? Non, parce pourquoi? Parce qu'au moins, et bah, quand je me fais sucer, il n'y a pas les dents. Ah, il est d'une finesse. Eh oui, c'est l'avantage. Pas ça, quoi. C'est l'avantage, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus de dents. Hein, on utilise. Eh bah ouais. Après, elle te poliche le casque. Elle te poliche le casque. Mais oui, Adam, notre auditeur du soir, s'il vous plaît. Bravo. Applaudissements. Bravo. Bravo, Adam. Bravo, bravo. Bravo. Merci. On a les auditeurs qu'on mérite, il paraît. Eh bah, il est très, très bon, Adam. Tu restes avec nous. Je remercie tout le monde. Adeline, Jenny, Kerelis, entre autres. On peut sortir avec quelqu'un avec une grande différence d'âge. Et ouais, il faut, c'est une histoire il faut, d'amour, surtout. Bien sûr, c'est ça le plus important. Dans un instant, il y aura le défi, fallait pas demander. Alors, défi, fallait pas demander d'Honoré. Il a 12 ans. Il est à Brest. Il va faire un défi à sa maman. Il va lui demander, est-ce que papa te fait des éjaculations faciales sur la figure? C'est drôle cette phrase. C'est sa question. Vous restez bien avec nous en attendant Major Lazer. And if you feel you're sinking, I will jump right. Major Lazer et Justin Bieber, Cold Water sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser ? Non mais c'est quoi cette question à deux balles ? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Le défi, fallait pas demander. Il paraît qu'on a un champion. C'est Guillaume du Standard qui m'a dit que le champion s'appelait Honoré. Il est avec nous, il a 12 ans et il nous appelle de Brest. Salut Honoré. Bonjour Karel, salut tout le monde, salut toute l'équipe. Salut. Honoré, un breton, ça fait plaisir. Tu représentes la Bretagne ce soir, Honoré. Ouais. Hein ? T'es content ? Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est bien ça. Honoré, tu vas faire le défi, fallait pas demander, pour repartir avec les enceintes. Attention, Honoré, il y a une question à poser. Il faut que cette question énerve la personne que tu vas appeler. Tu vas appeler qui ? Je vais appeler ma maman. Qu'est-ce que tu vas demander à ta maman ? Je voulais te demander si papa t'avait déjà fait une éjaculation faciale dans la figure. Une éjaculation faciale dans la figure. Il est trop mignon. Oui, bah oui, oui, bah oui, c'est un peu le concept facial, figure, voilà. Ah, on y est, Honoré. Si je peux me permettre, toi t'as des grosses couilles, hein. Non, parce que, non mais c'est super dur, enfin je veux dire, t'as 12 ans, tu... Il est fou. Ok Honoré, t'es donc complètement fou, on y va, c'est parti. On va appeler Christelle, ta maman. Est-ce que t'as déjà fait une éjaculation faciale dans la figure? Ok, j'adore. Allô? Allô maman? Oui. Je voulais te demander, est-ce que papa t'a déjà fait une éjaculation faciale dans la figure? Une quoi? Une éjaculation faciale dans la figure? N'importe quoi, ça va pas dire des choses. Ça, c'est pas bien, non? De quoi tu me parles, là? Et ça fait, c'est quoi, en fait, une éjaculation? Eh, Honoré, t'apprendras ça à l'école, non? Il me semble que vous avez déjà des cours là-dessus, non? Et t'es où pour dire des choses comme ça, là? Je suis avec un copain, avec... Ouais. C'est avec quel copain qui t'entend dire des choses comme ça? Ben, c'est un drôle de copain, Honoré. Mais non, il est sympa. J'ai trouvé des capotes. Et ça a quel goût, le sperme? Je ne sais pas, Honoré, j'en ai jamais mangé. Enfin, quand même, Honoré, mais... Puis, bah, t'as lui demander à ta copine, mais vous êtes pas bien, non? Non, mais je sais pas... Mais papa... C'est quoi, là, avec ta copine? Papa, t'en as pas fait manger? Mais Honoré, c'est... Mais dis pas des choses comme ça, enfin, mais... Comment tu peux te dire des choses pareilles, Honoré? Mais oh! Bah voilà, je voulais juste savoir. Mais t'es occupée avec des choses là, Honoré, qui sont pas de ton âge, quoi. C'est parce que ma copine, en fait, elle aimerait bien manger. Bah tu demandes l'autorisation à ses parents et on va peut-être voir ce qu'ils en pensent, eux. Mais à la fin, là. Mais Honoré, mais je pensais pas que tu pouvais dire des grossièretés pareilles. Enfin, Honoré, quand même, c'est... T'es occupé avec des choses, tu ferais mieux les trucs avec ton français. T'as fait ton français? Ben oui, mais attends, je te passe ma copine. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes la copine d'Honoré? Oui. Et vos parents, ils sont d'accord? J'ai faim. Vous foutez de moi, non? J'ai très faim. J'ai très très faim. Eh ben, moi j'ai un petit gâteau, hein. Ça va. Un petit gâteau gluant. Ah ben, je sais bien que c'est l'époque d'Halloween, mais enfin quand même, je veux bien avoir l'esprit large, je veux bien que c'est l'époque d'Halloween et qu'on peut manger des trucs dégueulasses, mais enfin quand même, il y a un minimum, vous êtes trop jeune. Et vous, vous avez quel âge, mademoiselle? J'ai 16 ans. Ah ben, en plus, vous êtes beaucoup plus âgée. Oui. Enfin, ah ben, au moins, il n'y a personne qui détourne les mineurs, parce que là, vous êtes tous les deux mineurs, donc vous vous rendez compte un peu de votre bêtise, là? J'ai des gros seins et j'adore tailler des pipes. Et vous êtes beaucoup trop jeune, là. C'est, ah, ça m'étonne pas, maintenant, que Honoré soit un peu perturbé. Hein, ben, vous allez laisser mon fils tranquille. Et puis vous allez retourner... Honoré, il adore mettre son pénis entre mes seins. Mais bien sûr. Passez-moi mon fils, là. Repassez-moi mon fils, que je remette les pendules à l'heure, là, parce que ça va pas, là. D'accord. Je vais vous le passer. Attendez, il remet son slip. Bon, Honoré? Alors, maman, c'est oui ou c'est non? Arrête ton cirque, Honoré, là. Arrête ton cirque, là. Bah, pourquoi? Parce que t'es trop jeune. Parce que c'est dégueulasse, parce que tu feras ça quand tu seras adulte, quand tu seras... Pour l'instant, t'as autre chose à penser que ce genre de cochonnerie. Ouais, mais elle est déjà en train de me sucer, donc faut que tu lui dises. Hein. Arrête. Et pourquoi tu lui dis ça en plus? Arrête. Je sais pas, je voulais te demander, parce que il paraît que ça fait du bien et que c'est bon pour la peau. Eh ben, tu verras bien, tu verras bien que ta copine, elle a des rides quand elle aura 40 piges. Hein, voilà. Et arrête ton cirque, Honoré. Là, tu dépasses toutes les bornes, Honoré. T'as déjà beaucoup dépassé les bornes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On t'est passé à 40 ans? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je te passe mon copain. Passe-moi le copain aussi, oui, qui tient la chandelle, lui. Allô? Oui? Salut Christelle. Bonjour, alors c'est vous le copain qui donnait des bonnes idées à Honoré? Ouais, c'est moi, ouais. Ça va? Eh ben, chapeau, oui, ça va très bien, oui. Et vous, vous avez quel âge? Ah, j'ai vu une photo de toi, Cricri, et franchement, je te trouve vraiment sexy. Mais bien sûr, c'est ça, oui. T'es où? T'es en voiture, là? Ah, je me suis garée. J'aimerais te rejoindre. Bien sûr, mais certainement, avec Honoré, la copine, le... Oui, bien sûr. Non, non, on va laisser les enfants de côté, on va se retrouver tous les deux pour faire l'amour comme défaut. Non, mais ça va pas bien, non, mais vous êtes qui, vous, pour dire des trucs pareils à Honoré? Il a jamais dit des choses. Je sais bien quand il est né de la dernière pluie, mais enfin, quand même, vous rendez compte un peu de ce que... Tout ce que je peux vous dire, Christelle, c'est que j'ai un très très gros micro. Un gros micro? Oui, un gros micro qui diffuse ma voix dans toute la France. Ah non. Ah si. Ah non, il a pas fait ça, Honoré. Ah si. Vous êtes en direct sur Fun Radio, Christelle. Eh oui, Christelle. Mais ils les auront toutes. Comment? On vous entend pas, Christelle? Ah, j'ai les salles, donc ils nous auront toutes faites. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Christelle, en direct sur Fun Radio dans toute la France. On peut l'applaudir, Christelle. Bravo. Bravo, Christelle, parce que franchement, Honoré, tu as dépassé les limites. Hein. Bah oui. Non, mais ça ne va pas de poser des questions comme ça. Il est complètement dingue. Hein. C'est-à-dire qu'il est allé trop loin, Honoré. Mais bon, c'est le défi. Le but du jeu, c'était de vous énerver. Et je crois qu'il a bien réussi son affaire. Ouais. Parce que là, on aurait continué deux petites minutes. Je pense qu'Honoré s'en prenait une. Hein. Aller-retour. Non, non, on va s'arrêter là. C'était pour gagner un beau cadeau, des enceintes. Philips, bravo, Honoré. Bravo. On te les envoie. Bravo. Merci. Qu'est-ce que t'as envie de dire à ta maman, Honoré? Bah que j'ai pas encore une copine et que j'ai pas trop l'âge de faire ça, quoi. Bah oui, bah oui. Bah bien et sûr. Déjà que j'ai pas de sperme. Ah bah oui. Ah bah et chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps, Honoré. Tu n'as que 12 ans, mon ami. Mais par contre, ça a bien énervé Christelle. À qui on fait des gros bisous, Christelle? Merci. Bah Christelle, on vous embrasse, Christelle. Oui, merci, bonne soirée. À bientôt, Christelle. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Love in Fun, tous les soirs sur Fun Radio pour nous appeler le 01 42 48 5000. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer dans un instant. Nous aurons des nouvelles du perroquet Chouchou. Ah. Et oui, Chouchou. Paula, la mère de Benoît, est avec nous. Paula. Oui. Paula, j'espère que tu auras des bonnes nouvelles à nous annoncer dans un instant. Paula, ne dis rien. Ne dis rien, reste avec nous. On va écouter The Chainsmokers et on vous donne des nouvelles de Chouchou dans un instant, le perroquet qui s'était sauvé. Voici Closer. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell all your friends, it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Smoker sur Fun Radio Closer. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Love in Fun. Sur Fun Radio. Depuis quelques minutes, la France retient son souffle. Puisque nous étions avec Chouchou tout à l'heure, le perroquet qui avait disparu. On va avoir des nouvelles. C'est Paula, la mère de Benoît, qui nous avait appelé, un Benoît et qui était en panique. Et voilà, et le perroquet est sorti de sa cage. Il était dans les bois. Il savait pas trop comment essayer de le retrouver. On va voir la maman qui va nous donner, j'espère, des bonnes nouvelles. On va l'accueillir maintenant. C'est parti. Bonsoir, Paula. Bonsoir. Bonsoir, Paula. Ah, on entend. Bonsoir, il y a du bruit derrière. Je crois qu'on entend Chouchou derrière. Ouais. Alors, Chouchou était dans les bois. Que s'est-il passé? Vous êtes arrivé à la rescousse. Ouais, bah en fait, je suis arrivée, puis j'ai réussi en fait à monter. Et bah, il a eu peur au début, puis après, il s'est envolé, puis bah, j'ai tendu la main, et en fait, il a fait comme d'habitude, il est revenu, quoi. Il est revenu. Donc, tout à l'heure, on a bien rigolé parce que Chouchou, voilà, parlait. Hein, dans... ils ont des mots grossiers, vous. Oui. Hein, non. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Chouchou? Il peut parler. Tu peux avoir une conversation avec Chouchou là, par exemple? Ah, je sais pas. Comme je disais, les perroquets, bah, c'était deux mules. Je dis toujours ça. Ah non, il disait des mots grossiers carrément. Mais qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'était carré, mais bon, Le perroquet. Qu'est-ce qu'il dit des fois, Chouchou? Non, il préfère chanter. Là, il chante, là. Mais c'est le bisou, il chante. C'est magique, un perroquet. Il dit quelque chose, tu dis quelque chose? Ah, et tu dis rien d'autre? C'est énorme. Tu en as combien de perroquets, s'il te plaît? Cinq. Ah ouais, non, c'est une vraie passion. Ils parlent tous? Ah oui. Non, mais t'es jamais seul comme ça. Ah oui, non, mais carrément. Mon amour. C'est un enfant qui est à côté de toi. C'est vraiment c'est, en fait, elle a 4 enfants dans une cage. Merde. 5 Non, mais c'est, franchement, c'est énorme, Paula. Ça devient d'où cette passion du perroquet? Depuis que je suis petite, en fait. D'accord. J'en ai eu un petit, le premier, mon père me l'avait offert à mes 18 ans. Je l'ai gardé 48 ans. Et après sa mort, je pouvais plus vivre sans. Et j'en ai racheté un. Ça vit longtemps. Et j'ai racheté un 2 et un 3 et un 4. Que, voilà. Que des perroquets qui parlent, parce qu'il y en a qui parlent pas. Hein. Bah si, non, ça va. Je me plains pas. Je leur apprends, en fait. Il faut leur apprendre. Oui, je sais. D'accord. C'est, c'est Paula qui murmure à l'oreille des perroquets. Voilà, bon, donc eh ben, Paula, à la maison, c'est le plus important. On va te laisser avec tes perroquets, Paula. Ouais, bah, merci, ça merci va. D'avoir pris des nouvelles, c'est sympa à tous. Eh ben, super, c'est nous qui te remercions et on est rassurés. Bravo, il y a pas mal qui se posaient la question de savoir si Chouchou était rentré. J'en ai chié un peu, j'en ai un peu chié, mais bon, c'est bon. Eh ben, c'est ça d'avoir des perroquets, il faut assumer derrière. Hein. On te fait des gros bisous, Paula, merci beaucoup. Merci à vous. Salut à toi. Dans un instant, sur Fun Radio, il va y avoir le chiffre d'Alice. Tous les soirs, c'est un nouveau chiffre et ce soir, on va parler de quoi, Alice? On va parler, ça va parler à la team fragile justement, parce qu'on va parler des mecs qui sont plus sensibles que leurs copines, qui dorment par exemple avec un doudou, qui pleurent devant un film. Donc on s'est posé la question, est-ce que vous les filles, vous pourriez sortir avec un mec carrément plus sensible? Là, c'est un sujet qui est extrêmement... Et plus fragile que vous. Ça dérape dur, parce que la sensibilité des mecs, les mecs qui ne seraient pas sensibles, ça c'est un sujet assez scandaleux d'ailleurs. De dire que des mecs doivent pas être sensibles, ça c'est... Mais c'est par rapport à l'éducation, on nous dit, ouais, tu dois être un bonhomme, tu dois être un guerrier, tu vois. Ça vraiment, c'est insupportable. Et on va en parler dans un instant. Les filles, dites-nous, est-ce que vous pourriez sortir avec un mec qui met plus de crème que vous, par exemple? Ça, c'est pas être sensible, ça. Oh, j'en sais rien, moi, Doc, il faut bien que je fasse du teasing, bordel. Quand même, hein. On parlera de tous les aspects de la sensibilité. Alors, bien sûr, 01 42 46 5000, en tout cas, si vous êtes tous les bienvenus. Et je vous annonce que dans quelques minutes, il y aura l'un ou l'une d'entre vous qui sera sur l'antenne avec nous et qui nous parlera dans un téléphone dégueulasse et qui pourra bientôt parler dans un iPhone 7. Le double fun qui tombe ce soir. Deux tubes à la suite et ça va arriver juste après la pause. Donc autant rester ici sur Fun Radio. Vous allez entendre Son of Legend Blue enchaîné avec Zach Noël, Trumpets. Zach Noël et Sean Paul bien sûr. Dans 3 minutes, le double fun tombe au 32-28 Fun Radio. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love and Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Applaudissements pour Soprano. J'ai un message pour toi, un gars qui s'appelle Blaise Matuidi. Soprano, attention, dimanche, ça va peut-être encore une défaite qui vous attend. Il chauffe. Blaise, je t'aime bien pourtant, mais là, je peux pas porter ce message sur le cœur. En live tout de suite, Soprano, je suis en feu. En direct chez Bruno, Fun Radio, Soprano, Bava. Dars-moi ce soir, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Est-ce que vous êtes toujours à la radio? Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Jack Reacher. Vous êtes qui, nom de Dieu? Never go back. Celui que vous n'attendiez pas. Tom Cruise. Sans concession. Il est temps qu'on se mette en chasse. Sans remords. Faudra pas m'en vouloir. Sans retour. J'aime pas qu'on me suive. Jack Reacher, Never go back. Tom Cruise. Vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? Mercredi au cinéma. Je suis pas la loi. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mini. Je l'ai dans les mains et il est magnifique. L'iPhone 7 qu'on va vous offrir dans un instant sur Fun Radio. Ah bah non, on me dit que c'est maintenant. 32-28 Fun Radio, c'est le double fun qui tombe là maintenant. Les deux bombes du double fun qui vont passer sur l'antenne, ça commence avec Sound of Legends. Si juste derrière il y a Zach Noël, vous gagnez l'iPhone 7, 32-28 Fun Radio. vous entendez les tubes de Sound of Legend et Sac Noël. Mixez à la suite. Soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. C'est le double fun sur Fun Radio. Bobley, bobley. Set it! You see that girl with the big tic-tac, if you gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, boy, you're spinning it. Rotate your body, come in love, boy, you're spinning it. Rotate your body, come in love, boy, you're spinning it. Make the trumpets blow. Bubbly, serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Double fun sur Fun Radio. Bonjour, je suis l'iPhone 7. Salut. Vous gagnez votre iPhone 7. C'est le double fun sur Fun Radio. Voilà, on s'est payé Siri pour faire la campagne. Hein, et je peux vous dire que ça nous a coûté plus qu'un bras. Zoé est avec nous. Zoé. C'est pas vrai, salut Karel. Ça, ah merde. C'est pas vrai. Non, ah c'est pas. Pardon, non, c'est pas Zoé, c'est Dimitri. Dimitri qui est avec nous. Pardon Zoé, tu as cru que t'avais gagné. Non, c'est pas vrai. Ah pardon. Pardon, je te connais trop bien. Je suis rentré. Karel. Ouais, non mais excuse-nous Zoé, on s'est trompé de ligne en fait. En fait, il l'a gardé pour lui. On s'est trompé de ligne, il n'y a pas de gagnant ce soir. Quel dommage. Karel l'a gardé pour lui. Quel dommage, parce que moi je l'ai utilisé, il est vachement bien quand même. Hein. Non, c'est vrai. D'ailleurs, il l'a cassé. Zoé. Il l'a cassé. Zoé, il fait des photos de dingue. Et ouais, là, ouais, là, il a un écran pas cassé, contrairement au mien ou pas. Ah bah, ça dépend, t'as quoi comme téléphone toi Zoé? J'ai l'ancien Galaxy Note 2. Ah, t'es Samsung! Oh là là là! Oh. Ah, ouais. Ah, mais non, mais attends, mais bien sûr, il faut passer iPhone là! Il faut quoi? Il faut passer iPhone 7! Bah oui! Bah, oui, ça coûte quand même pas mal, mais si t'économises un peu, tu pourras l'avoir pour Noël. Tu veux les endroits où l'acheter? Oh non, les points de vente, si tu veux. Dans les points de vente habituels, on peut le trouver, bien sûr. Bientôt, il y aura des promos pour Noël. Hein. Ah, absolument, c'est vrai, de bonnes réductions. Et puis, tu peux l'avoir un peu moins cher si tu changes ton forfait. 10-15 euros de réduction. Il y a le double fun. Ah, il y a le double fun? C'est quoi ça? C'est sur Fun Radio? Ah, je sais pas, c'est sur la meilleure radio de France, alors je pense que ça devait être en fait. Attends, j'étais pas au courant, c'est dès que t'entends quoi et quoi? C'est dès que t'entends, je crois, Sound of Legend avec Blue. Ouais. Et je crois que c'est Zach Noël avec Trumpet. Zach Noël, ah là là, mais si près du but. Et je crois même que tu viens de dépasser les deux à la suite. Absolument, mais j'ai pas passé. Lui file son iPhone parce qu'on va pas assez de là-dessus là. Attends, ça va, je n'ai pas passé Zach Noël, j'ai passé Sac Noël. Et c'est perdu. Allez, tu l'as gagné. Allez, Zoé, t'as gagné. C'est gagné. iPhone 7. Et je peux vous dire que c'est la fête. Avec ton iPhone 7, franchement, tu vas te régaler, Zoé. Excuse-nous. Oh, génial. Oh, je suis trop contente. Merci. C'est super. Voilà. Il est pour toi. Bientôt à la maison. C'est vrai que l'écran cassé, ça le fait pas quand t'as un téléphone. Hein. Génial. Ah, vraiment. Je te l'envoie pour le coup, l'ancien. Ouais. C'est bon, c'est cadeau. Allez. Un petit conseil. Achète vite l'écran qui protège l'écran. Doc, c'est le genre de gars, tu sais, il se fait genre quand il va acheter son téléphone, il se fait avoir la garantie la garantie plus 7 ans, le petit écran, ça coûte deux fois le téléphone. Il le déballe pas tant qu'il a pas la coque. Il attend d'avoir la coque. Protège l'écran, je te jure. Ouais, bien sûr. Et alors c'est marrant parce que à chaque fois tu me dis ouais, ton téléphone etc, pourquoi tu mets pas la coque qui protège la coque? Et ben à chaque fois le tien, il est pété quoi. Et moi c'est pas la coque, c'est l'écran qui protège. Je l'enlève, l'écran est propre. Tu veux que je te montre? Oui. Sauf que c'est quand la dernière fois que t'as encore pété ton téléphone? Non, je le pète pas. Ah oui, d'accord. C'est que l'écran de protection. Zoé, amuse-toi bien avec ton iPhone 7 en tout cas. Et tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, c'est double fun. Génial. Oh, je vous adore. Tout merci. Moment. Gros merci, bisous. C'est normal. Merci. C'est normal. Heureusement que tu nous adores. On vient de te filer un iPhone 7. Merde. Ah bah oui, hein, mais tu t'adorais avant déjà. Salut Zoé. Le chiffre d'Alice. Dans Love in Fun sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice tous les soirs dans Love in Fun. Et ce soir, attention, un gros chiffre vous attend. Oui, on va parler des hommes qui sont plus sensibles que certaines filles, parce qu'un mec sur trois pleure régulièrement en matant un film, et on s'est posé la question, est-ce que vous les filles, vous pourriez être en couple avec quelqu'un qui est plus émotif, plus sensible que vous, dans la vie de tous les jours? Ça c'est étonnant, comme moi je suis pas contre ce genre de discussion, mais tout de même, tu véhicules l'idée, pas toi, ton sondage, tu véhicules l'idée que les mecs ne devraient pas être sensibles d'une certaine façon. Alors, il y a là-dedans une notion qui n'est pas dite et qui est importante. Il y a des gens, et les filles, c'est tout aussi agaçant, qui pleurent pour rien du tout, quoi. Mais la capacité d'émotion, de s'émouvoir devant des choses qui, voilà, cinéma, autre, je trouve que ça va être aussi bien masculin que féminin. Il y a mais c'est pas le problème. On aurait pu faire exactement ce même chiffre avec les filles. Est-ce que vous, les mecs, ça vous dérange d'être avec une fille un peu trop émotive, un peu trop... C'est la même chose. J'espère que les filles ont évolué et accepteront que les mecs soient aussi émotifs. Et certains mecs qui ont du mal à l'accepter et à l'avouer et à se montrer. Et qui se prétendent viril, solide et costaud, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Ils voient ça comme une faiblesse, malheureusement, alors qu'on n'est pas une. J'aimerais témoigner. Il se trouve que ce week-end, je suis allé au cinéma avec mon fils. J'ai été voir un film d'animation qui s'appelle Cigogne et compagnie. À la fin du film, il y a une scène avec la cigogne qui dit au revoir au bébé. Ne dis pas la fin. Hop. Il t'a pleuré. On allait tous aller le voir. Et je ne pouvais pas retenir mes larmes et j'étais limite un peu honteux, tu vois. J'étais comme ça. Mais c'est ça, il faut pas être honteux. Non mais avec ses émotions. Mais c'est qu'il était avec des gamins, qu'il y avait aucun gamin qui pleurait. Même mon fils ne pleurait pas. Alice, tu vas voir les filles qui vont appeler. Je suis sûr que c'est les mecs qui se la jouent, qui se la pètent grave. Ah bah oui, je veux pas être émotif. Aurélie est avec nous, c'est pareil devant Titanic. Franchement, moi, j'ai tout donné. Aurélie, t'as 26 ans, t'es de Saint-Malo. Salut. C'est ça. Bonsoir. Salut, salut. Saint-Malo, t'es en Bretagne et les Bretons sont très sensibles. Exactement. Ouais. Bien sûr. C'est vrai. Si. Alors, est-ce que pour toi, t'es d'accord avec le chiffre d'Alice sur la sensibilité des mecs? Alors, pour ma part, moi, je suis mariée depuis 2 ans. Je vis avec mon mari depuis 8 ans maintenant. D'accord. Au début, il est toujours, mais il très très très sensible, il pleurait pour rien. Je partais chez une amie, il pleurait. Enfin, c'était une catastrophe. Alors là, je pensais pas du tout. Sensiblerie. Plus de la sensibilité. Arrête de faire ton bonhomme. Bah alors, tu vois finalement. Non, mais attends, il y a des limites. C'est pour les filles, pareil. C'était assez chiant. Mais on s'y fait, sauf que maintenant, c'est, il pleure toujours pour, pas pour rien, je vais dire, mais beaucoup plus que moi. Quand on a eu notre enfant, il a pleuré, pas moi. Quand on regarde le film de notre mariage, il pleure 20 fois, même si on le regarde 40 fois, il va pleurer 40 fois. Eh ben, ça l'honneur. Mais tu l'aimes toujours autant? Ah oui, ben bien sûr. Au début, ça m'embêtait, mais maintenant, attends, pas du tout. Moi, je vais te poser une question importante. Est-ce que pour toi, c'est quand même un mec solide? Alors. Sur le plan humain, je parle pas masculin féminin, mais voilà. Mais ça a rien à voir. Si, si, bien sûr, non, tu vois. C'est pas un mec viril. Mais viril, on s'en fout, ça veut rien dire. Non, il y a Cassim, le gros bourrin qui parle. Moi, je suis viril. Toi, t'es gros bourrin. Mais moi, je suis viril, quoi. Sors dehors, tu vois, je vais te défoncer, toi, si je suis pas viril. Il t'a traité de fiotte. Je vais le défoncer, tu vois. Oui, comment? Aurélie, tu veux défoncer qui, là? Non, c'est moi. Je dis, par exemple, on sort quelque part, c'est plutôt moi qui vais le défendre que lui. Ah, d'accord, ok. Qui va le défendre carrément. Alors là, c'est plus. Ça va trop loin. Attends, c'est bien, c'est intéressant comme discussion parce que finalement. Il est très doux. Il y a sensiblerie et puis il y a solidité. On peut avoir des émotions, pas à tout moment, parce que mais qui pleure quand ça. Je m'en vais, je pleure. Bon, attends, c'est plus de la sensibilité, ça. Ça devient de la sensiblerie stupide. Et parce que voilà, en revanche, on peut pleurer dans certains cas, être aussi quelqu'un de solide. Ça vaut pour les filles, c'est pareil. Bien sûr, de toute façon, c'est bien ça simple. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. On maîtrise pas ses émotions. De toute façon, il faut laisser couler, il faut laisser aller. Si les gens, je vais vous dire, si les gens acceptaient mieux leurs émotions dans l'ensemble de la population, il y aurait moins de guerre. Exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et c'est parce que justement, c'est le bonhomme. Moi, je suis un guerrier et tout. Je pleure pas. Moi, ce qui m'est. Tu vois, dans mon métier, c'est quand les papas qui disent au mot que j'examine et qui n'est pas content, ça lui fait mal, qui pleure. Ouais. Ah, t'es un homme, tu pleures pas. Je dis, mais attendez, c'est quoi ça? Ça va, il a 2 mois, le petit. Non, mais c'est vrai. C'est par rapport à l'éducation, comme tu dis aussi. Mais on nous apprend dès le plus jeune âge à être des guerriers. C'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Mais bon, moi, je vois que ça l'a pas gêné. Elle l'aime toujours autant. Bah, bien sûr, Aurélie, toi, t'es amoureuse. Pas du tout. Pas du tout. Bah, tu n'aimes pas ton mec? Mais si, je te dis, ça ne me dérange pas. Ah du tout, oui, pas j'ai eu peur. Bah, on déconne. Alors, David est avec nous, 18 ans de Lille. Bonsoir, David. Salut, David. Bonsoir. David. Bienvenue dans Love in Fun. David? Bah, moi, je vous appelle. Enfin, parce que, du coup, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Mais ça s'entend dans ta voix. Tu viens de pleurer, là, peut-être. C'est l'émotion de nous avoir au téléphone. Pas spécialement, mais par exemple. Par exemple, quand Dobby est mort dans Harry Potter, j'ai pleuré, pourtant c'est qu'un film, voilà. Ah oui, mais non, après, mais c'est normal. Quoi, Dobby est mort? Oh putain, mais j'étais pas au courant. Après, par exemple, je suis quelqu'un je suis un homme qui a des idées plus féministes, en fait, c'est assez bizarre. Hein. Mais par exemple, il suffit que je vois dans les informations un viol, un harcèlement sexuel, je peux fondre en larmes pour ça, en fait. Il peut être triste, en tout cas. Comment? Mais ça, c'est de l'empathie. Il y a de quoi être triste. Oui, c'est de l'empathie. Oui, mais dans des événements comme ça, je suis complètement d'accord. Je trouve ça normal. Et voilà, à tout moment. Non, mais c'est clair que si tu chiales, dès que tu vois, je sais pas, quelqu'un qui promène son chien, tu trouves ça trop mignon. Enfin voilà, quoi. Là, si tu commences à pleurer, c'est qu'il y a un problème. Et quoi. C'est aussi agaçant chez les garçons que chez les filles. On est d'accord. Ah, bah, bien sûr. Ouais. Je veux dire, mais ça l'est pas plus chez une fille que chez un mec, hein. Moi, je suis sûr que vous savez avoir d'autres filles au téléphone. On n'en a pas d'autres. Là. Mais si, on a Sarah. Mais attends, toi, tu vas trop vite. Hein. Non, parce que je voudrais qu'elle nous dise. David. Oui. Si t'as envie de pleurer, tu peux te lâcher ce soir. Je me lâche souvent. Enfin, après. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Vas-y, cherche. Vas-y. Mes amis et les gens qui me connaissent. C'est quoi la dernière chose qui t'a fait pleurer? La dernière chose qui m'a fait pleurer. Ouais. C'est quoi? Bah, c'est la mort de Dobby dans Harry Potter, j'ai regardé hier. Et pourtant, il était magnifique. Bah, il était si beau dans la mort, c'était tellement, tellement triste. Ok, on va accueillir Sarah, 32 ans de Montauban. Il va nous faire bader, David. Bonsoir, Sarah. Mais le rire aussi, c'est une émotion. Bien sûr. Salut. Sarah, est-ce que tu es d'accord avec le chiffre d'Alice, toi? D'accord, tout est relatif. On va dire qu'au bon, il y a sensible et sensible. Il y a pleurer et pleurer. Voilà, un homme qui pleure devant un film, il n'y a pas de problème. Un homme qui passe son temps à chialer pour n'importe quoi. Mais bah, tu dis ça. Il s'en prend une dans la gueule, le gars. Mais attends, moi je voudrais savoir comment est ton mec. Tu arrêtes de pleurer, connard. Hey, je voudrais savoir comment est ton mec. Il est sensible, mais comme il faut. Voilà, il y a un juste milieu. Ouais. Mais est-ce qu'il fait partie de ces hommes qui disent que les hommes ne pleurent pas? Non, quand même pas. Ah. Mais bon, moi, c'est surtout référence au poste de la fille qui sortait avec un garçon, qui pleure tout le temps, qui dort avec son... Ah oui, ouais. Ah, oui, oui. Sa peluche, bon là, quand même, t'as abusé. Ouais. Au bout d'un moment, là, c'est... Oh, il va pleuvoir demain, pof, il pleure. Ouais, non, mais voilà. C'est, quand c'est trop, c'est trop pico. T'as fait l'école du rire là ? Non, mais je sais pas. Ou tu répètes, tu sens. Ça m'est venu comme. Oh, elle passe toujours bien celle-là. Tu peux la balancer à tout moment. Voilà. Tu sens qu'il y a un petit temps mort dans l'émission. Tu balances quand c'est trop pico. Alors, Sarah, moi je te remercie beaucoup en tout cas pour, ouais, merci, pour ton Sarah. Témoignage. Je sens qu'il faut filer droit avec toi, ma Sarah. Bonne soirée. Gros bisous. Salut. Salut Sarah et salut à tous. Salut David, Aurélie et on va accueillir Camille, 24 ans de Lyon. Bonsoir Camille. Salut Camille. Bonsoir. Salut Camille. Ah, une histoire de dingue qui nous attend avec toi Camille. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous là. Alors le truc qui se passe, c'est que j'ai mon homme qui est à l'armée et je le trompe et il va rentrer dans un mois et je sais pas si je dois lui dire ou pas. Oh, c'est horrible. On va analyser la situation. Ah, carrément, dans un instant on en parle. N'hésitez pas à réagir. 0142 48 5000. Voici Galantis, Love on Me sur Fun Radio. Singing. Girl, put your love on me. I feel it all around. I feel it all around. We'll be singing. Vachement bien ça, Galantis sur Fun Radio. Love You Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Et tous les internats écoutent Love In Fun hein, tous les soirs. Il y aura la question de l'internat là, tout à l'heure sur Fun Radio. Si vous venez avec les potes, les copines, on a souvent des mecs hein, le soir. Pourquoi hein. On n'a pas d'internat de filles? Mais bien sûr, on a déjà eu. Mais c'est vrai pas que c'est beaucoup. Moins souvent que les mecs. On aimerait bien des filles là ce soir. 0142-48-5000. Vous avez entendu Doc hein, il est chaud ce soir pour avoir des filles hein. Non, un internat de filles, c'est pas la même chose. Un internat ce soir qui sera avec nous. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour venir nous poser votre question, la question de l'internat tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. On va accueillir Camille, 24 ans, qui est avec nous là. Camille, une situation qui est vraiment particulière, vous allez être sur le cul là si vous nous écoutez. Oui. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors. Salut Camille, et merci de nous faire confiance ce soir pour voilà, nous raconter ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé Camille? Ben voilà, j'ai mon homme qui est en mission pour l'armée ouais. Depuis 5 mois. 5 mois, ok. Que je n'ai qu'au téléphone et par texto de temps en temps. Mmh, ouais. Et donc du coup, ça commence un petit peu à peser. Et le truc qui se passe, c'est que je le trompe. Ouais. C'est-à-dire et pas qu'avec un seul mec, en fait. Combien? Ils sont 5. 5. Mais 5 en même temps ou... Non, pas en même temps, mais bon... Chacun son tour. En fait, attends. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, oui. Camille, il est parti à 5 mois et t'es en train de nous dire que tu le trompes avec 5 mecs différents. C'est ça, parce qu'en fait, le truc qui se passe, c'est que je trouve quelque chose de bien en chacun d'eux qui me font penser, bah oui, forcément, qui me font penser à mon homme, quoi. Et donc, quelle question te poses-tu là, parce que... Ben, je me pose la question de savoir si je dois lui dire, en fait. Est-ce que tu l'as trompé, à ton avis? Est-ce que tu l'as trompé? À ton avis, est-ce que tu l'as trompé ou pas? Non, oui. Mais une question sérieuse que je te pose. Bah, Tu l'aimes. Oui. Attends, je vais te dire pourquoi. Tu l'aimes, ton homme. Bah oui. Tu l'aimes toujours. Oui. Bah oui. Et là, les mecs que tu côtoies, tu les aimes pas. C'est juste du sexe. C'est ça. Exactement. Parce que t'es en manque. C'est ça. Mais tu aimes bien faire l'amour. C'est ça. Non, mais y a que moi qui trouve ça dégueulasse. Non, mais attends, je vais l'aider. Ton comportement, non, mais Camille, attends, sérieux. Non, mais je veux pas la culpabiliser. Enfin, je veux pas la juger non plus, mais donc, ça, quand même. Quoi. Le problème, tu as bien compris, c'est que tu as probablement fait une promesse de fidélité ou pas? Bah, il m'a dit que si je fautais, je fautais, mais bon. Non, mais attends, c'est sérieux comme discussion. Il t'a dit, il accepte l'idée que tu puisses te tromper parce qu'il est pas là ou pas? Oui, il peut l'accepter, mais je le concevoir réellement, je sais pas. Et lui, est-ce qu'il peut te tromper ou pas? Est-ce qu'il te trompe éventuellement? Oui. Non, là-bas, il peut pas, non. Ah bon? Non. Ouais. Non. Ouais, écoute, Camille, non, mais c'est un cas. Le problème est de savoir si tu aimes vraiment cet homme et si tu veux faire ta vie avec lui. Voilà. Est-ce que toi, le fait de le tromper, est-ce que tu penses que tu l'aimes suffisamment ou pas? Bah, le truc, c'est je me pose la question de savoir si j'ai pas peur qu'il rentre pas de sa mission, si, enfin voilà, je... Oh, mais ça je peux comprendre, mais c'est quand même des putains d'excuses. Voilà. Mais quelle tête... C'est une excuse. Il va arriver, il va être en face de toi, t'es d'accord? Oui. Il va peut-être te poser la question. Oui. Tu vas lui dire quoi? Tu vas mentir ou tu vas dire la vérité? Ben, je sais pas. C'est pour ça que je demande des conseils. Enfin, je sais pas. Oui, Attends, mais déjà, si tu dis à ton mec, chérie, pendant les 5 mois, je me suis tapé 5 mecs différents, tu peux déjà faire une croix sur ta relation avec lui. Et moi, la question que je me pose, c'est comment tu peux nous dire, je suis amoureux de mon mec, qui est parti il y a 5 mois. 5 mois, franchement, c'est pas énorme, ça va, quoi. Et tu t'es tapé 5 mecs différents, quoi. Mais je voulais savoir comment tu te les tapes, parce que ça, est-ce que tu les as dragués, tu les as cherchés, ou c'est des mecs que t'as rencontrés dans la rue, au travail ou ailleurs? Non, c'est sur Badou. Ah oui, donc tu vas les draguer, donc tu sais exactement ce que tu vas faire. Ouais, non mais Camille... Hein, donc tu vas draguer des mecs, tu vas coucher avec. Bon, très bien. Lorsqu'il n'est pas en mission... Mais c'est du cul pour du cul, quoi. Et alors, ça, on a bien compris. Attends, ça lui ferait plaisir. Lorsqu'il n'est pas en mission, est-ce que tu es satisfaite ou est-ce que tu as quand même envie d'aller... Ah oui, complètement. Ah oui, d'accord. Non. On a un militaire qui veut réagir, il est avec nous, il doit être sur le cul. Hein. Fabien, salut Fabien. Salut, non, c'est ça. Non. T'imagines, il écoute... Oh putain, je crois qu'il y a ma meuf à l'antenne de Fun Radio. Oh. Non, parce que maintenant, c'est pas ma meuf, c'est mon ex, en fait. Non, ah ouais. Fabien, tu la connais, Camille? Ah non, mais pas elle. Mais toi, dire, ton histoire, vas-y. Ah d'accord, voilà. Ok, attends. Raconte-nous ton histoire. Ne bouge pas, Camille. Fabien, toi, t'es militaire, raconte-nous ce qui s'est passé. Voilà, c'est simple. Donc, je suis militaire, je partais souvent en déplacement. Oui. Donc, forcément, on vit en caserne. Et il s'avère, en fait, que je suis rentré d'un déplacement. Elle m'avait demandé de débloquer un ancien téléphone qui lui appartenait. Ouais. Donc je l'ai débloqué, j'ai trouvé des SMS, comme d'accord. Quoi un pote, donc un camarade militaire, se la tapait. D'accord. Voilà. C'était donc, quoi comme message clair? Oh, c'était des trucs, j'aimerais bien. Ouais, garde à vous, ça peut être ça. Non, ça c'est le matin au réveil. Mais je veux dire, c'était des messages genre, j'aimerais bien te revoir, etc. Mais là, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça, quoi. T'as eu des envies de meurtre ou pas? Ouais, franchement, j'avais des envies de meurtre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Autant sur elle que sur le pote, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai pris mes distances, je suis allé voir mes potes et tout, j'ai réfléchi, et comme un con, j'ai pardonné. Donc je me suis dit, voilà, je l'aime tellement que il faut savoir pardonner, voilà, c'est le contexte du déplacement, peut-être qu'elle a craqué, voilà, ça peut arriver. J'ai l'impression que t'as regretté après. Mais non, attends, on va savoir la suite, parce que c'est son ex, donc il y a une suite. Exactement, donc j'ai regretté. Ouais. Et plus tard, mais ça c'était quelques mois après, donc pareil, je partais souvent en déplacement, donc j'ai remarqué qu'elle mettait un coup pour lire ses textos. Donc là, le truc chelou. Quoi, un code, c'est ça? Ouais, un code pour lire ses textos, alors qu'elle, qu'elle avait pas fait avant, quoi. Ouais. Donc, bah, là, forcément, j'ai regardé, puis j'ai lu les textos. Et en fait, elle se tapait un autre mec, pareil, quand j'étais en déplacement, quoi. Et là? Donc, ouais, et donc, bah, là, grosse déception. Bon, je l'ai traité. Ah, le mec est dans le désert. Donc, tu as traité de quoi? Donc, j'ai traité de salope, voilà. Mais, et, dis-moi, c'est juste, normal. Petite question. Un mec qui fait ça, tu le traites de quoi? Un mec qui fait ça, bah, je sais pas. Ah, c'est un gros connard, quoi. Ouais, c'est un connard, exactement. Ouais, d'accord, très bien. Mais moi, voilà, je me dis, en déplacement, c'est chaud, quoi. On a des envies et tout, mais on se retient quand on aime. Ouais. Donc, voilà, je me disais, bah, elle le fait pas, alors que moi, je me tiens à carreau, donc c'est pas normal. Donc, pour moi, toi, t'avais des tentations dans tes déplacements? Ouais, ça arrivait, c'est normal, quoi. En plus, on est entre bonhommes, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Et elle s'est raccrochée après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle quoi, pardon? Est-ce qu'elle s'est raccrochée, elle a essayé de se justifier, je ne sais pas. Excuse-moi, je m'en veux, mais ça, on s'en fout. Et déjà, on pardonne une fois, déjà, voilà. Fabien, imagine, t'es le mec de Camille, voilà, toi t'es en mission, et bah, Camille, elle t'apprend, parce que c'était sa question, est-ce que je dois le dire à mon mec, Camille, voilà, elle te dit, bah écoute, pendant que t'étais parti, pendant les 5 mois, je me suis tapé 5 mecs. Comment est-ce que toi tu vas réagir? Bah, moi, déjà, comme tous les mecs, là, qui nous entendent, je pète un câble, déjà. Mmh. Je suis obligé. Mmh. Mais surtout, moi, je lui conseille de le dire. Ouais. Ah ouais? Parce qu'on vit pas avec les mensonges. Ouais. Et puis voilà, un jour, ça se sait, en fait. Tout se sait. Ça sait, mais... C'est pire de le découvrir, en fait. C'est important, tu viens de dire que le fait d'être sincère, de dire la vérité, finalement, ça peut éventuellement... Enfin, il peut peut-être l'excuser, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Ou alors, bah, ça fout la merde, et puis la question... De toute façon, oui. Elle l'aura mérité. Parce que si elle l'a fait, c'est que c'est pas le bon, c'est pas l'homme de sa vie, c'est obligé. Ouais, c'est le problème. Camille, t'en penses quoi? Oui. C'est pas l'homme de ta vie, ça, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Si c'est pas l'homme de... Enfin, si moi je pense que c'est l'homme de ma vie, parce qu'après on est assez ouvert, sur les discussions, mais là je pense que... Ouais. L'homme de ta vie, tu fais cocu avec 5 mecs différents, je comprends pas, moi. Pourquoi tu vas voir ailleurs si c'est l'homme de ta vie, en fait? Ah ouais. C'est ça le truc. Bah, parce que ça me manque, voilà, simplement. Ouais, dans ces cas-là, en fait, mais regarde, je te donne mon exemple. Moi, ça me manquait. Je partais 3 mois en déplacement. Ça me manquait aussi. Hein. Je suis un homme en plus, donc on a des pulsions, je pense, autant que les femmes. Et pour autant, je me disais non, je ne lui ferais pas ça, je la respecte trop. Jamais je pourrais lui faire ça. Et donc, je ne l'ai pas fait. À méditer, Fabien. Fabien, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant avec la question de l'internat. Vous nous appelez au standard 01 42 48 5000. On sera aussi avec Alexis. On va avoir des nouvelles du babysitting là dans un instant. Vous bougez pas. On écoutera Richard Orlinski avec Heartbeat sur Fun Radio. Sal est avec nous ce soir. Puisque le premier extrait de l'album s'appelle Are We Awake, à savoir sommes-nous éveillés, on va vérifier si les gens sont éveillés. On a choisi des personnes qui se lèvent tôt, à savoir l'équipe de Bruno dans la radio. On va commencer par Elliot. Allô? Sommes-nous éveillés? Sommes-nous des tarés, plutôt. Allez, ne soyez pas impatients, on débarque à 22h. Oui, soyez là car je vous veux, auditeurs de Fun Radio. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur bmw.fr. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. De l'eau, si demain je vais un drame, je vais pas pleurer des rivières et me noyer dans mes larmes. Aujourd'hui j'ai tout, et si demain j'ai rien, avec le temps on s'y fait. La vie m'a appris à rester coude à coude. Linda fixe-toi un petit, arrivera coûte que coûte. Tu prendras des coups bas, y'aura des épreuves sur ta route. Avec le temps on s'y fait. Parfois je suis dépassée, je perds mon temps. Je cogite toute la journée assise sur un banc. Et je me demande si j'étais mieux avant. Des fois je regrette mon innocence. J'ai peur de ne plus revivre tous ces bons moments. Je sais pertinemment qu'il faut aller de l'avant. Ne pas se retourner mais affronter le présent. Et peu importe les situations. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à l'heure. J'ai pas la solution, autant prétendre éteindre le feu par feu. Je me sens insignifiante et différente. J'ai dépassé, je perds mon temps, je tourne en rond, je suis sur le banc. J'ai compris, j'ai dû faire des sacrifices. Je préfère rien avoir qu'avoir tout leur artifice. Aujourd'hui tu brilles, demain t'oublies. Avec le temps on s'y fait. T'as beau te plaindre, t'as beau dire que la vie est moche. Quand tu perds un proche et que tu n'as rien dans les poches. Ton voisin roule en Porsche, toi toute l'année dans les coches. Avec le temps on s'y fait. Parfois je suis dépassée, je perds mon temps. Je cogite toute la journée assise sur un banc. Et je me demande si j'étais mieux avant. Des fois je regrette mon innocence. J'ai peur de ne plus revivre tous ces bons moments. Je sais pertinemment qu'il faut aller de l'avant. Ne pas se retourner mais affronter le présent. Et peu importe les situations. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à l'heure. J'ai pas la solution, autant prétendre éteindre le feu par feu. Je me sens insignifiante si différente. Je suis dépassé, je perds mon temps, je tourne en rond, je suis sur le banc. Avec le temps je sais. On s'y fait, on s'y fait. Avec une pièce on s'y fait. Des gens partent et on s'y fait. Avec le temps on s'y fait. Les poches vidées on s'y fait. Avec une pièce on s'y fait. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à l'heure. J'ai pas la solution, autant prétendre éteindre le feu par feu. Je me sens insignifiante, si différente. Je suis dépassé, je perds mon temps, je tourne en rond, je suis sur le banc. Love Yves. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Avec la question d'internat dans pas longtemps, n'hésitez pas à nous appeler en direct dans l'internat là, au standard 01 42 48 5000. On va prendre des nouvelles de notre auditeur du soir. Adam, ça va, tout va bien? Adam, oui. Ouais. Okay. Adam, il paraît que t'as une petite blague à nous raconter. Ouais, allez, une petite vite fait. Vas-y, t'es parti. Alors en fait c'est trois chats qui sont au bord de la route. Trois chats. Trois chats, ouais. Mm-hmm. Donc du coup, il y a le premier, bah, il dit tant pis, je vais traverser la route, donc il traverse, putain, manque de peau, il se fait écraser. Oh merde, pas les chats. Le deuxième, il dit bah tant pis, je vais essayer aussi. Alors il essaye, putain, il arrive à éviter une voiture, puis il se fait écraser par deuxième. Ah, merde. Putain, ouais. Et puis il y a le troisième, il dit putain, je vais être plus intelligent, il y a une flaque, je vais passer dans la flaque, je vais nager. Alors il passe dans la flaque, il nage, putain, il y a un camion qui passe, il l'écrase. Ouais. Donc il monte au ciel, il monte vers Saint-Pierre et Saint-Charles là-bas. Ouais. Et puis donc les deux premiers, bah ils arrivent, tac, le Dieu il dit oh, bah c'est bon, vous allez au paradis. Mmh. Et puis il y a le troisième chat qui arrive. Et donc il y a le troisième chat qui arrive, c'est et long. Puis bah il... T'aurais pas pu commencer par trois chats morts. Écoute, il y a le troisième chat qui arrive. Et les dieux là, ils leur disent non, t'es mouillé, toi tu dégages. Donc du coup, moralité de l'histoire, quand la chatte est mouillée, les seins sont durs. Alors une blague. Il y a que Kassim qui rigole. Une blague qui fait marrer Kassim, c'est pas forcément une très bonne blague, mais tu sais quoi, Adam, t'as un vrai talent d'orateur. Tu racontes vachement bien les blagues, hein, vraiment. Ouais. Adam, on reviendra vers toi tout à l'heure pour une prochaine blague, d'accord? Ah, bah y a pas de soucis, j'en ai une qui est sous le nez là. Dans un instant, restez avec nous, hein. Ne bougez pas. La nouvelle blague d'Adam pour finir l'émission. D'accord. On va prendre des nouvelles d'Alexis, 14 ans de Chartres. Bonsoir Alexis. Salut. Bonsoir. Salut Alexis. Alors. Je rappelle, pour tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, qu'Alexis nous a appelé en début d'émission. Voilà, ce soir, j'ai une baby-sitteuse qui vient ce soir et elle a 2 ans de plus que moi et j'aimerais bien la pécho. C'est ça. Tu voulais des petits cours. Oh là, t'as l'air déprimé. Bah, tu t'endors ou quoi? Hein, elle leur a filé un cachet pour dormir. Ah ouais. Non. Elle t'a chanté une berceuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On lui avait dit de... que tu lui montres ton gros doudou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a été un peu chaud en fait. Elle est où là? Justement, elle est plus là. Elle est partie? Alors, je vais vous expliquer. Genre, il y a des petites complications, etc. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, dis-nous tout. Alors, en fait, elle est arrivée normale et tout. Et genre, j'ai commencé, genre, ça, j'étais chaud et tout, comme vous m'aviez chauffé, etc. Oh, tu lui as pas montré ta teub? Mais non! Non! Okay. Il était gentil, tu as fait. Là, j'étais grave chaud dans vos conseils, avec tous les gens qui m'avaient des conseils et tout, même mes potes, etc. Après. Ouais? Ok. Bah, genre, j'ai commencé à faire, ouais, tu veux que je t'aide à faire à manger, etc. Genre, elle rigolait un peu. Ouais. Genre, avec moi, tu vois, genre, je me sentais frais, j'étais bien et tout. Ouais. Ok. Et genre. Beau gosse. Bah, normal, quoi. Genre, t'as mis du gel ou pas? Non, on a cuisiné des nouilles et tout. Des nouilles? Ah oui, bien sûr. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai pris la main, je voulais l'embrasser, parce ouais. qu'elle m'a recalé. Mais c'était sûr, il fallait pas y aller! Putain, on t'avait dit! Donc, du coup, elle est partie, elle a claqué la porte. Elle s'est cassée? Bah, en fait, elle m'a mis une petite claque, et genre, elle a claqué la porte, et genre, elle est partie, et c'est pas ça le pire. C'est quoi? C'est quoi le pire? Elle a envoyé un texto à mes parents, leur disant, ouais. Je suis parti, etc. parce qu'il a voulu m'embrasser. Et qu'est-ce qu'il a dit ton père? Des papouilles. Ah, des ils m'ont dit ouais, tu t'occupes bien de ta petite sœur, etc. Et on en parle en rentrant, t'es trop con, etc. Ah putain. Ah tu dis. Enfin bon. Là, ah mais on t'avait prévenu. Hein. Je suis sûr que le papa était fier. Je sais pas pourquoi. Bah non. Et si. Oh. Ah mais la blonde, elle est. Oh là là. Déjà, elle appelle pas la blonde. Hein, si tu commences. Ah, là je pense. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais assez copain avec elle. Je pense que c'est foutu là. Bah ouais, mais je sais pas. J'essaierai de la revoir et tout. Genre, non. Dans une heure et tout, genre, pour lui parler. Dans 18 ans. À 18 ans. Alexis, quand on se prend un gros râteau comme ça, on évite de se la ramener. Je vais toquer chez elle et je vais dire que je vous parle. D'accord. Bon, bah, Alexis. Tu t'occupes bien de ta petite soeur, là? Oui. Ouais, bah, mes parents, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que vous allez rentrer vers 22h30, un truc comme ça. D'accord. Bon, bah, prends bien soin de ta petite soeur et essaie de te rattraper auprès de cette charmante babysitter. D'accord? Bon, je peux faire une dédicace. Allez, vas-y, Alexis. Bon, bah, dédicace à tout Minière, à tous mes gars, Louis, Patati Patata, André, ils se reconnaîtront. Puis, bah, toute l'équipe, etc. Puis, bah, ma petite blonde. Ta petite blonde, voilà, qu'il a voulu pécho là ce soir en cuisinant des nouilles, ça n'a pas fonctionné. Hein. Trop rapide, mon poteau. Salut Alexis, salut à toi. Et merci d'avoir filé des news. On va accueillir Gaëtan de l'internat à Maubeuge. Gaëtan, il a 15 ans. Bonsoir Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Karel. Salut. T'es dans quel internat toi? Comment il s'appelle ton internat? C'est l'Amex, ACJMEX. D'accord, ok, c'est à Maubeuge. Et vous êtes combien là dans l'internat ce soir? J'avais expliqué à Guillaume, je suis pas dans l'internat donc. D'accord, c'est la question de l'internat, en dehors de l'internat ce soir. Il n'y a pas de souci. T'es où exactement là? Je suis dans l'EM, dans le 02. Mais t'es tout seul. T'es chez toi là? Ouais. Non, en vacances. T'es en vacances? Ah d'accord, donc t'es pas du tout dans un internat. En fait, non, c'est en fait d'habitude, je suis dans l'internat. Et là, comme en fait. Ouais, enfin d'habitude, mais pas là ce soir. Ouais, mais c'est les vacances. Ah, bon, alors quelle est ta question? On va aller plus vite. Alexis, vas-y, pose ta question. Ta question de l'internat sans l'internat. Donc en fait, la question, c'est quoi un clito? C'est quoi un clito? Tu sais pas ce que c'est qu'un clitoris? Un clitoris? Ah bah T'as déjà eu des relations sexuelles ou pas? Non. Alors, qu'est-ce qu'un clitoris, Doc? C'est important parce qu'il y a plein de garçons qui ne savent pas ce que c'est. Bah justement, t'es là pour expliquer, Doc. C'est donc effectivement les organes génitaux féminins, en haut, entre les grandes lèvres, juste au début de la vulve. T'as un bouton. Vers le haut. Un petit bouton d'or. C'est une petite verge à minima, on va dire. La structure est à peu près identique. Ça ressemble à un pénis. Oui, mais vraiment microscopique. Oui, bien sûr, petit. Et qui, évidemment, est extrêmement sensible et déclenche par sa stimulation beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, Alice? Je te vois réagir, là. Bah, j'ai pas l'impression que ça ressemble à un pénis, hein. J'ai la structure anatomique. Ah bon? Voilà. Montre-nous ton clitoris, Alice. Non, mais attends. Oui, mais d'accord. Mais quand je voudrais pas que ça te mette mal à l'aise, que ça te fasse complexer. Ah ouais, non, t'inquiète. Non, mais quand tu le regardes dans sa structure même, il y a des corps caverneux et tout ça. Bon, c'est tout petit, évidemment. J'analyserai la structure des sociétés. Ah ouais, non. Mais tu peux pas l'analyser, c'est trop petit. Donc il pourrait faire un exposé sur le clito. Ouais. Non, c'est vrai. Alexis, t'as jamais vu des clitoris, toi, dans ta vie? J'ai jamais vu de sexe féminin, je crois. Pas du tout. Gaëtan, excuse-moi, je t'en pose la question. Gaëtan, t'as jamais vu de clitoris, toi? Non. D'accord, et bah tu sais quoi, ça va venir bientôt, plus vite que tu ne le penses. Alors en fait, si tu veux, dans une relation sexuelle, ça se repère par le doigt. Il est très important de stimuler cette zone pour donner du plaisir aux filles. Mais pas comme une bête. Hein, Alice, comment avec est-ce qu'on délicatesse. Touche Comment est-ce qu'on touche un clitoris? Bah, je sais pas, on peut peut-être demander à Marion et Anso, je pense qu'elles auront la réponse. Marion et Anso, vous êtes là les filles? Elles ne sont pas prêtes. Bah, écoute, il faut y aller. On a besoin. On balance le bébé. Je refourgue. On a besoin de vous. J'ai posé. Nous sommes avec Gaëtan, voilà, qui se posait la question. Qu'est-ce qu'un clitoris? Pardon. Il s'étrangle avec le clitoris. Carrel. Excusez-moi, je suis un petit peu. C'est le seul mec qui réussit à s'étrangler avec un clitoris. Non, mais c'est simple. C'est-à-dire que normalement, c'est quand même compliqué à expliquer en fait. Mais non, c'est pas compliqué. Si, c'est aux hommes de l'expliquer. C'est quand même vous qui avez l'habitude de le toucher. Je pense qu'il y a pas mal de filles qui le touchent aussi. On va demander à Adam, notre auditeur du soir. La raison, c'est qu'il y a des filles qui savent pas ce que c'est que leur clitoris. Oui, bah là, sans déconner, regardez votre schneck. Quoi, je sais pas moi. Ah, Adam, non, mais c'est vrai. Ouais. Ah, Adam. Ouais. Adam, est-ce que t'as déjà touché un clitoris, toi? Bah, bien sûr. Ah, comment tu fais pour le toucher? Délicatement, bien sûr. Bah, avec mes deux doigts, tu vois, j'écarte doucement les deux lèvres. C'est les garçons qui en parlent le mieux, hein, bien sûr. Vers le haut. Hein. Oh, j'écarte doucement les lèvres. Si tu cherches vers le bas, tu vas pas le trouver. Bah, j'y mets mon doigt. Non, moi, j'y vais avec la langue. Voilà. On appelle ça un cunnilingus et je sens que tu es un artiste. Et honnêtement, j'adore faire ça. Eh ben, ça ne m'étonne pas. On va finir là-dessus, Adam. On te fait une grosse bise. On n'aura pas le temps pour ta blague, Adam. Oh, fais chier, elle est toute courte en plus. Allez, vas-y, alors c'est parti. Hop, vite, une blague. Hein. Une blague drôle. Quelle est la différence entre un terroriste et une femme qui a ses règles? Oh là, tu. Ça fait peur. Tu vises un sujet. Attention, hein. Qu'est-ce que tu vas nous dire là? Eh ben, avec le terroriste, on peut négocier. Ok. Eh ben, c'est ce que j'appelle un bon lancement, une belle rampe de lancement pour Merci, le Night Show. Merci bonsoir beaucoup. Les filles. Elle est bien lourde celle-là quand même. Ah ouais, non, on a attaqué, on a fini très fort. On a débordé. Un peu lourde. Les on vous laisse vous éclater jusqu'à minuit. Bonne émission les filles. On vous aime. Ciao, ciao, gros bisous. À demain. Et à demain tout le monde. Prêt, salut les enfants. Oui, capitaine. J'ai pas entendu. Oui, capitaine. Wow. Qui anime tous les soirs sur Fun Radio? Marion et Anso. De 22h à minuit dans le Night Show. Marion et Anso. Elle a pour les requins une adoration. Elle s'appelle Marion. Elle a une frange blonde, elle se fait jamais pécho. Elle s'appelle Anso. Welcome to the Night Show! Marion et Anso. Et Anso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. J-2 avant les vacances. Bonsoir tout le monde! Ouais ouais Bienvenue sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show. Et je sais, là, vous comptez les jours, là, vous qui nous écoutez, qui êtes en cours. C'est mercredi, ça vient vite. Bon courage pour les derniers jours. On espère que vous avez passé un bon lundi. Nous, on est en forme, je vous le dis. Ouais. On a prévu plein de surprises pour vous ce soir et toute la semaine. On a du lourd niveau invité, on vous en dira plus tout à l'heure. Bonsoir Anso. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est charmé cette année que ces vacances, elles débarquent en semaine. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez repris les cours aujourd'hui, vous êtes dit, on n'a plus que deux matins à se lever. Ouais. C'est énorme. Charmé. Ouais, et franchement, j'ai l'impression que ça a filé hyper vite. J'ai l'impression que la rentrée, là, on en parlait il n'y a même pas un mois. Mais le temps passe tellement vite, Marion, en bonne compagnie. Ça file. Bon, ça va toi? Écoute, ça va, j'ai pris rendez-vous pour le veto pour Wacha, là, cet après-midi. Oui. J'en suis déjà malade. Mais pourquoi elle a besoin d'aller chez le veto? Petit rappel de vaccin, hein, forcément. Oh, alors ça va, s'il n'y a que ça. Ouais, mais j'ai commencé à lui dire, tu sais, mon chacha. C'est combien un vaccin pour chat? Je sais plus, parce qu'Anna, je l'ai fait opérer. Et puis il y avait le premier vaccin, mais j'ai fait opérer, c'est pour pas qu'elle se reproduise. Oui. Donc du coup, ça m'a coûté un œil. Là, j'espère que ça va pas coûter plus de 20 balles, parce que je suis déjà dans la merde. Plus de 20 balles, c'est plus cher que ça. Oui, bien sûr que un rappel de vaccin, ça doit pas coûter 20 balles. Oula, je sais pas, mais j'espère surtout qu'ils vont pas lui découvrir une maladie grave. Arrête. Je la trouve pas en forme en ce moment. Je sais pas, elle marche chelou. Arrête. Ah si, moi, je dirais, allez, il me reste 3-4 mois. Et Marion, soutenez-moi, parce que Marion, à chaque fois, elle fait ça dès que je lui parle de Wacha, elle me dit, tu sais, franchement, prépare-toi, elle va peut-être bientôt mourir et tout. Ça va, elle est en pleine forme, elle souffre juste un peu de la solitude, tu la laisses. Non, voilà. Non. C'est toi qui me le dis. C'est vrai que je rentre tard et je pars tôt, mais je la brosse. Ouais, voilà. Bah tu parles. Non mais écoute, c'est déjà pas mal. Bon, ce soir en tout cas, émission spéciale Ouacha. Non, pas du tout. On va recevoir le youtubeur Dylan Del Rey qui sera notre invité. 540 000 abonnés sur YouTube, c'est hyper bien quand même. Grave, il est cool. Si vous avez des questions pour lui, 01 42 48 5000 et puis vous allez gagner le cadeau que tout le monde veut en ce moment. C'est quand même un truc de ouf. C'est même encore plus kiffant de vous l'offrir finalement, tellement c'est énorme. Votre PS4 avec 11 jeux, 2 moves, le casque VR, la réalité virtuelle, le nouveau truc de Sony qui débarque là. Ça coûte 1200 balles l'histoire. Hein. 01 42 48 5000. Pour nous appeler, pour jouer et pour faire de la radio avec nous. J'aimerais beaucoup l'avoir à bon entendeur. Hein. Mon anniversaire, c'est dans, allez, 7-8 mois. Ouais. Il y a Noël d'abord. Pensez-y. Bon, pour le son, on va se faire quoi? On va se faire Calvin Harris, tiens, tout à l'heure. Cette voix, mais qu'est-ce qu'il est sexy. Oh là là, mais lui. Hein? Oh là là. Je sais pas ce qu'elle a fait, notre Taylor Swift, elle laissait partir comme ça. Hein. Bah, je sais pas, mais je sais pas s'il a été très fidèle. Hein. Taylor, appelle-nous. Oui. 01 42 48 5000. On va être consolés, va. On aura aussi Hardwell et Jason. Tu la vois, Babur? La pool party? Oh oui, je la vois. Ouais, je vois Ouacha en train de se noyer là. Arrête! Dans l'eau. Bah, elle a sauté, elle a voulu profiter. C'est vraiment un méchant chat. Bonsoir, Amir des réseaux sociaux. Bonsoir la France, bonsoir tout le monde, bonsoir Anso seulement. Merci. Pourquoi pas moi? Bah, c'est pas gentil ce que tu fais à Ouacha. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Depuis quand t'es du côté de Ouacha? Attends, c'est sa grande pote Ouacha à chaque fois qu'il vient à la maison et ils se font des grosses batailles et tout. Ouais, bah, ouais. On se cherche, je trouve, mais on s'amuse bien. Enfin, Amir repart les bras couverts de griffures. Bon les filles, j'ai un bon plan pour vous ce soir et pour toutes les personnes qui nous écoutent. C'est une application hyper stylée qui s'appelle Too Good To Go. Too Good To Go, quoi. C'est une application qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Non. Bon, déjà parce que c'est cool. Et surtout, ça vous permet d'acheter des invendus à prix réduit. Ah, c'est pas mal pour les étudiants et tout ça. Pour tout le monde, pourquoi pas que les étudiants? Parce que vous pouvez choper par exemple, un petit déj à 4 balles dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Ouais, ah, mais ouais. C'est pas périmé. Mais absolument pas. Ah. C'est juste que bah, c'est ce qui reste. Ah, d'accord, c'est pas que dans les magasins, les Monop, les Franprix, les Carrefour et tout, d'accord. Partout, au lieu de jeter les invendus dans les restaurants aussi. Hein, mais alors, le Jap et tout ça. Est-ce qu'ils te livrent? Et Marion, quand même, 4 euros. Ah non, tu dois aller chercher. C'est impossible. Non, ouais, mais par exemple, tu parles d'hôtel et tout, mais si t'habites un petit village, comment tu fais? Eh bah, il y a forcément un hôtel. Pas très d'accord. Loin de chez toi, quoi. Un hôtel, je sais pas, une auberge de jeunesse, quelque chose comme ça. Et est-ce qu'ils viennent et qu'ils te servent avec des serveurs? En fait, en gros, tu réserves ta place, tu vas là-bas, il y a des heures, c'est une appli, hein, Too Good To Go, vous la téléchargez, ça vous géolocalise, et puis ensuite vous allez sur place et vous prenez tout ce que vous voulez. Mais je te l'apprends. Moi, allez, je te l'apprends aussi. Mais où tu les trouves, ces applis-là? T'as un site spécial? Gratos. Et ça, c'est mon business. Comment? D'accord, merci Amir des réseaux sociaux. Avec bonsoir, Thibaut à l'area. Coucou les filles. Ça va toi? Ouais, ça va. Oui, il a sa petite tête des bonjours là. Ouais, vous savez quoi? Vous êtes aussi indispensable que l'air que je respire. Oh là là, mais t'es un beurre. Tu sais que je me lasserai jamais de ça. Hein. Ah, je suis content alors. Est-ce que tu crois que tu vas avoir de l'inspiration toute l'année pour ces phrases mielleuses? Oh, moi j'y crois. Bah, étant donné que c'est vous ma source d'inspiration, si je reste avec vous, c'est bon normalement. Moi j'y crois pas. Tu vas trop loin par contre, Thibaut. Ouais, fais attention, hein, ta meuf va commencer à être jalouse à un moment, tu le sais. Mais oui. Bonsoir Enzo. Bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va toi? Ça va super, séance de cardio ce matin, j'ai adoré. Ah oui, bah de toute façon Enzo en ce moment il a deux passions, la moto et la muscu. Oui, d'ailleurs il passe son permis jeudi. Vous savez ce qu'il fait? Là il est sur YouTube et il regarde des vidéos de moto. Je sais, mais il est stressé en fait, il veut pas nous dire quand il le passe, mais moi je parie sur mercredi. Hein. Ah oui, non, mercredi ouais. Moi je sais. Non, ne dis rien s'il te plaît. Ah, Yannick du Standard le sait, Yannick, tu vas tout nous dire, t'es notre poteau. Non, allez, s'il vous plaît, faites pas allez ça. Bichon. Là, je respecte Enzo, je vais pas le dire. Ouais. Allez, là. Non, portez l'œil. Ouais, n'en dites rien. Mais c'est près du week-end. C'est. Ok, c'est vendredi, les gars. Oh, ça va. Attendez. Donc, je lance pour vendredi toute la journée, les gars, le hashtag sur Twitter Enzo permis moto. Ça va bien se passer. Et tu sais quoi, on bosse même pas, c'est con parce que j'aurais bien débriefé le vendredi soir. Ouais. Ouais, bon, bah, je vous ferai un SMS, groupé. Yannick, la balance, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Eric, il a 25 ans, il appelle de Paris et il voudrait reprendre la défense de quelqu'un dans l'équipe. D'accord. Ah, c'est peut-être Denzo, justement. Bonsoir, Eric. Bonsoir, les filles, bonsoir, tout le monde. Ça va, Eric? Ça ira mieux dans pas longtemps. Oula, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'appelle tout simplement pour prendre la défense d'Amir parce que ça va pas. Vous Pourquoi arrêtez pas avec ses sourcils, faut arrêter. Voilà. Moi je suis avocat, vous savez, à Paris, d'accord. Et je veux prendre sa défense, j'arrête de clasher, machin. Il faut penser aussi au beau côté des sourcils. Alors, des beaux sourcils. Eric, Nous oui. t'écoutons, la France t'écoute. Par contre, la ça, France c'était t'écoute. Un bruit de bâton de théâtre. Hein. Non, j'étais parti sur un bruit de marteau tribunal, mais bon, c'était pas ça. Non, ça marche pas. Non, c'est pas le même. Eric, nous t'écoutons. Donne-nous les avantages d'avoir les sourcils d'Amir. Alors, les avantages des sourcils d'Amir, comme les miens d'ailleurs, ça tient chaud. Déjà, en ouais. hiver, c'est parfait. Ouais, ouais. Mm-hmm. Quand il pleut, eh ben nous, on a pas, ça protège les yeux. Ouais. Donc, on n'a pas de, de gouttes dans les yeux. Non, enfin, voilà. mes yeux ne se noient pas non plus quand il pleut, hein, Eric. Ah, si. Bah, moi, si. Si, si, si, quand il pleut beaucoup, je dis rien, mais je dis ça comme ça. Ouais. D'accord. Une casquette. Ouais, ouais, quand il pleut, tu mets une casquette, bon, voilà, pas crédible, quoi. Mm-hmm. Quoi et du coup, si j'attaque les filles, tu me défends ? Bah, bien sûr. Tu peux gagner de l'argent un peu ? Mais n'importe quoi. Ah oui, bah, si je peux te faire gagner de l'argent et tu m'en fais gagner, ça serait parfait. Ah les gars, c'est de la vanne. T'imagines s'il fallait attaquer tout le monde qui faisait des vannes ? Non, mais effectivement, non, mais Eric. On réussit avec des sourcils, hein. Regardez Raymond Domenech. Ah oui. Il a réussi. Et Manu Duchin, qui était un brillant journaliste sur une chaîne télévision. Et lui,